1985-2025. Fadjet, à Nancy et en Lorraine, depuis 40 ans. Il est 4h05 du matin, merci d'être encore avec nous pour ces 40 heures de direct. Nous sommes en train d'attaquer la 9e heure, et oui, hein, ça avance tout doucement. Nous ont rejoint en studio, bon bah déjà, Hakim, bonjour. Salut Valentin, salut tout le monde. Comment vas-tu? Je sais pas si on doit dire bonne nuit. Bah à cette heure-là, on sait pas trop. Bon réveil. Moi, pile entre les deux. Moi je suis entre bonsoir, bonjour oui, et bonne nuit. Encore plus déphasé que nous, c'est terrible, mais tout va bien de ton ouais, côté. Écoute, tout va bien, un petit peu à la bourre, la circulation. Oh, non, ouais, un petit peu à la bourre, dur de se réveiller quand même à cette heure-ci. Mais, oui, j'allais dire, t'as dormi quand même avant de venir. Ouais, j'ai dormi, je suis un dorto, moi, 22h je dormais, je pense. Ah oui, donc, ok. Donc ça va, moi j'ai mon temps de sommeil, là, donc je suis à peu près en forme. Parfait, okay. ça fait plaisir. Le Biscast. En tout cas, deux membres du Biscast nous ont rejoints depuis 22h jusqu'à minuit. Tout à fait, bah, quand Hakim dormait, du coup. Voilà. Est-ce que vous avez fait un peu la sieste? Oui, c'est une sieste. Bah oui, power nap. En 3h, vous n'avez pas le temps de régène, quoi. C'est forcément. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes quand même en forme avec bah, nous ouais, tout à fait réveillé, avec ce bon petit froid hivernal qui... Ah, ça réveille, hein. Qui, c'est ouais, sûr. Ça fait frissonner un peu, donc c'est bien. Bon, je pense que l'objectif, ça va être de réveiller un petit peu nos auditeurs, parce que là, voilà, on a échangé pas mal d'anecdotes quand même avec Élise et Magali, et on va continuer, je pense, un peu dans les anecdotes, mais je crois que vous nous avez préparé aussi un petit peu du jeu, du quiz, du truc interactif. Je le rappelle, on est toujours en live sur le Facebook Live, et donc vous pouvez venir nous voir et participer avec nous, vous amuser à répondre au quiz, bien évidemment, ou à nous partager aussi vos anecdotes en lien avec Fadjet. Si on commençait un peu par le Biscast, parce que, bon, vous avez fait 2 heures d'émission, on peut le dire, c'était votre grande première en direct. Le direct, complètement. Ouais. Normalement, on est sur de l'enregistré, donc on peut dire des bêtises, et là, on était en roue libre. Là. Et vous avez quand même dit des bêtises, rassurez-nous. Oui, bah, c'est le principe aussi. Bon, on espère, évidemment. Avant qu'on aille plus loin, j'ai une question pour toi, Valentin. Est-ce que toi, tu vas bien? Personne te demande. Moi, je suis là depuis 20h, hein, puisque je faisais la technique au lancement. Ce n'est plus du sang dans ses veines, c'est de la boisson énergisée. Ah ouais, à peu près, ouais, effectivement. Pour l'instant, ça va. J'ai encore de l'énergie. Je pense à 6h. Faudra me reposer la question à 6h. Okay. Là, c'est à vous de me tenir éveillé pendant 2h. On verra si vous y arrivez. Donc, le Biscast, donc 2 heures de direct. D'habitude, c'est pas en direct. Mmh, c'est quoi d'habitude le Biscast? Un peu dans les conditions plus normales. Tu veux dire sur le concept? Le concept. Bah, c'est une émission, on veut que ça soit une émission plutôt chill, second degré. Oui, c'est un talk, en gros, où on aborde vraiment des sujets très légers. Souvent, on a un invité qui est plutôt local, qui vient nous présenter un peu. Bah, on a eu, par exemple, le Palais de Nancy, on a eu la Quiz Room. Enfin, on a des gens qui viennent du coin et qui nous présentent un peu ce qu'ils ont à présenter. Mais on reste quand même sur des sujets assez drôles, légers. Et puis on fait des petits jeux, on se prend pas au sérieux. Non, pas du tout. C'est vraiment un moment de détente. Enfin, du moins on l'espère. Bon. Pour nous en tout cas. Bah, je compte sur vous pour tester nos connaissances aujourd'hui. Ouais. Enfin, aujourd'hui, cette nuit. On est perdu, on est dans une temporalité, on ne sait plus. Aujourd'hui, un peu demain déjà. Oui, c'est ça. Sommes-nous hier, demain, ou sommes-nous jamais, on ne sait pas. Hakim, avec nous. Hakim, alors toi, tu officies. Alors moi, je fais la matinale du mardi matin avec la team François et tous les autres camarades. Et j'étais là pour les 30 ans de Fadjet, moi. Mais après, il y a eu une longue période d'absence parce que du coup, j'avais d'autres priorités au niveau du boulot. Mais j'étais là, ouais, pour les 30 ans. Alors, il n'y avait pas eu un gros événement comme celui-ci là, d'ailleurs, que je trouve qui est très original. Et j'avais une émission de sport qui s'appelait Cap Sport à l'époque. Donc c'était tous les lundis puis tous les vendredis soirs, 1 heure, mais c'était une émission enregistrée qu'on diffusait du coup le lendemain. Et ça a duré pendant 2-3 saisons, il me semble, ouais, quand même. Ah ouais. Donc, rythme soutenu quand même. Avec quoi? Un rythme soutenu, deux fois par semaine. Ouais, c'était des grosses émissions. Puis surtout, donc à l'époque, je faisais la réalisation, ce que je serais incapable de faire à l'heure actuelle, je pense. Parce que quand on n'est pas dedans, c'est quand même un peu compliqué. Alors, j'admire un peu quand je vois François le mardi ou Valentin, là, c'est quand même assez technique. Mais quand c'est enregistré, bah, vous qui faites, c'est quand même plus facile de rectifier ces petits mots. On peut se planter. Il y a du off qui est d'ailleurs toujours meilleur que le in. D'ailleurs, j'aimais bien le dire quand j'avais des invités. Ce que je préférais, c'était le hors antenne au final. Parce que les sportifs sont toujours contents d'avoir gagné et déçus d'avoir perdu. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pu parler de water polo, de tennis, de tout ça qui est dans la région. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt pas mal. C'était une émission qui était bien suivie sur les réseaux. Et voilà, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, Valentin. Oui, mais aujourd'hui, la matinale. Voilà, aujourd'hui, la petite matinale du mardi, parce que maintenant que je suis en lève tôt, je sais pas, ça doit être l'âge, je me suis dit que j'allais un petit peu remettre le pied là-dedans. La radio, on rencontre beaucoup de gens et on fait pas mal de rencontres sympas qui... pour le travail ou des belles connaissances. Et du coup, ouais, tous les mardis matin, je suis avec François, Zoé, Evan, Bruno et Rémi. Comme ça, je les aurais tous cités. Et belle puis, équipe. J'essaye de participer voilà, à des remplacements de temps en temps quand il manque des gens. Et puis, aux événements Fadjet, quand j'ai l'occasion de participer aux événements Fadjet. Là, je n'ai pas pu faire la galette, mais on avait fait un blind test avec toi. Il y a la première manifestation du mois de septembre. Puis ce genre de choses qui sont plutôt sympas dans la radio, quoi. Et voilà, encore de connaissances aujourd'hui, de comptes en plus sur LinkedIn. Peut-être qu'il y en a un qui va proposer du boulot. Il est happiness manager. Et ben, ça fait plaisir d'avoir une belle équipe donc ce soir autour de cette table pour cette 9e heure donc de live. Voilà. Et vous nous avez donc préparé petit quiz, petit jeu. Est-ce que tu vas nous parler que de sport ? Alors non, je ne vais pas vous parler que de sport. Et justement, je vais pas parce que maintenant, mon rôle le mardi matin, c'est le journalisme, on va dire. Je ne suis pas journaliste du tout, mais c'est moi qui fais le flash info, l'éphémérite, ce que j'adore aussi. Mais là, je vous ai préparé, donc comme vous le savez, en ce moment, c'est le nouvel an chinois. Oui. 5-6 anecdotes sur uniquement ce que la Chine a pu faire rien qu'en 30 jours, là, qui est assez incroyable, telles que des innovations, etc. Pour vous dire la vitesse que va la Chine, ceux qui doutent encore que ça va être prochainement la première puissance mondiale. Et je vous ai préparé aussi 5 choses à savoir que vous ne savez probablement pas. On peut le faire sur thème de quiz sur Albert Einstein et sur Michael Jackson, rien à voir. Voilà. Très bien. Voilà. c'est deux quiz différents. La transition, faudra se mouiller la nuque. Faudra réveiller un petit peu Valentin, mais je suis sûr et certain que je vais vous apprendre au moins. Allez, 3 choses aujourd'hui. Oh, bah certain. Écoute, moi je pense que tu vas nous en apprendre beaucoup plus surtout, mais on a soif de savoir. Je prends avec plaisir. Ok, on a un challenger plutôt pas mal en termes de quiz, etc. Le Biscasse, vous répondez quoi ? Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Moi, je suis venu les mains dans les poches, c'est Val qui va... ça me fait plaisir, bravo, bravo. Vu l'heure et tout, je me suis dit, on va se poser une question un peu très second degré. Est-ce que on va finir en prison un jour dans notre vie ? Très bien. Voilà. C'est une question intéressante à se poser à 4h du mat. Ça peut arriver vite alors. Voilà, c'est une sorte de talk. Mais c'est un peu les questions que tu te poses à 4h du mat quand tu dors pas, justement. Quand tu rentres de soirée. Donc du coup, ceux qui écoutent peuvent se poser cette question. Bon. Bah, commençons par savoir si on va en prison et une fois si on est en prison ou pas, on verra si le savoir peut peut-être nous libérer. De lire des choses peut peut-être nous permettre de partir. Bon, très bien. Et ben écoute, on t'écoute Valentin. Et ben on est parti, c'est très esprit Biscasse, du coup très second degré. En fait, je vais vous donner des phrases. Okay. Et on va débattre dessus. Si vous réagissez bien, on appelle personne. Si vous réagissez mal, on appelle la marée chaussée. Très bien. On me dit dans l'oreillette que mon job est en jeu, donc je vais faire très attention. Alors, enfant, vous avez déjà volé des bonbons. Est-ce que vous avez déjà fait ça ? Ouais, moi je suis un paquet chewing-gum à mon actif et comme quoi ça marque et ça traumatise parce que c'était à la fête foraine du village. Et tu t'es fait choper ? Non. Ah bah voilà, c'est bon. Ah, j'ai volé aussi une fois des piles. Mais alors ça, sans faire exprès, ça se mange moins, je le mets dans la poche parce que j'avais les mains pleines et je suis passé à la caisse et je me suis dit putain, j'aurais dû prendre autre chose. Bah oui, c'est clair. Souvent, les piles, il faut les mettre dans un truc, mais prends un jouet. En général, c'est mieux. Toi, ouais, Valentin Enfant sage, non, je n'ai jamais rien volé. Jamais rien tenté, Morgan. Non plus. Moi, je me souviens, récemment, je devais faire un truc bricolage et il me fallait une vis vraiment. Et tu vas au magasin de bricolage où t'as la vis et tu dis, franchement, je peux la mettre dans la poche, personne ne le verra. Il n'y a pas d'antivol sur les vis, quoi. T'es un adulte et tu dis, franchement, si. Quelqu'un le voit, je vais avoir l'air vraiment ridicule. Je peux la payer cette vis, il n'y a pas de souci, mais tu te dis vraiment, pourquoi est-ce que je ne la prendrai pas quoi, c'est... Donc, pour le challenge, quoi. Donc voilà, je ne l'ai pas prise, donc tu vois bien une conscience à toute épreuve. Ouais, okay. Et toi, Valentin ? Non. Non, non, voilà. Jamais tenté par un petit vol. Larcin. Mais un peu comme Hakim, une sauce pesto un jour. Tu vois, dans la poche, et tu sors, tu te dis bah. Tu savais même pas que tu l'avais. Ouais, putain, c'est ça. Allez, ça part en pote. Ah, elle était là cette sauce pesto. Oui. Incroyable. Alors, vous avez déjà grillé un feu orange. Ouais. Ouais, j'ai pas le permis donc. plus tard que ce matin. J'ai traversé quand le petit bonhomme était rouge. Ouais, voilà, c'était ça, ouais. Qui se rapproche le plus pour moi, je crois. Non, mais après, il y, Il y a une laxité sur le faux orange, non? On est oui. pas. On sait, on comprend orange, pas la règle. Donc, voilà, on n'est pas au orange code. Plus, là. Plus. On a le pied un peu plus lourd quand c'est orange. Voilà. C'est, Tu dis là, si je pile, je vais avoir plus de ouais, répercussions. C'est la que conscience si que tu dis. Ouais, si je pile, il va me rentrer dedans. Bon, ouais, bon après, elle n'a pas être là, la gamine. Non, je... Il est 4h du mat, merde. Qu'est-ce qu'elle fait dehors? Vous avez déjà trouvé de l'argent par terre et vous l'avez gardé. Ouais. Ah oui, ah oui. Ah bah oui, bien sûr. Bah déjà, savoir à qui c'était. Déjà. Après, on parle d'argent, on parle pas d'un portefeuille trouvé par terre. Non, non. Le portefeuille, tu le ramènes, tu le. Mais est-ce que voilà. t'aurais pris le liquide qu'il y avait dedans? Non. Ah. Non, non, pas tout, pas tout. Bah, moi, le problème, c'est que je trouve des pièces de 1 ou 2 centimes, ouais. C'est le truc nul, quoi. C'est ah, pas oui, avec oui. ça ah, que. Ah, d'ailleurs, c'est quoi votre plus grosse prise? Moi, j'ai déjà eu le billet de 20. Ah, moi j'ai déjà eu 4 fois 20 euros sur le même trajet. Oh, wow. Je pense que c'est un papy qui avait mal mis dans ses poches. Fallait aller jouer au loto après, ouais. après ce trajet. Mais j'avais pas l'âge, mais ouais. c'est vrai que du coup j'aurais dû les investir. Ah, c'est oui, marrant, tu suivais les billets de 20, ça venait une camionnette. Mais je te jure que c'est dur de s'arrêter au quatrième et de se dire putain, je vais plus loin ou pas? On est où? C'est donc ça la vie. Quelqu'un c'est ça la vie. Quelqu'un veut m'appâter. Ouais, c'est ça. Si je vais pas plus loin, je vais finir dans une boîte. Valentin, t'as eu des pièces de 1 centime. 10 centimes, ça doit être le max. Ouais. Voilà. Ouh, 5, 5, 50 balles, moi. 50 balles. Wow. Ah ouais. Ouais. Pas mal. Ouais. Ah, c'est beau. 50 francs. Ouais. Tu sais, je sais pas si vous avez ce réflexe là, mais quand tu le trouves, tout de suite, premier réflexe, tu mets ton pied dessus. C'est vrai, exact, tu dis c'est vrai. À moi, tu sais, tu bon, regardes autour de toi. Et puis tu regardes, c'est vrai. Ça pas... me va. Non, okay. Limite, moi, comme c'est des pièces de centimes, les gens se moquent de moi si je fais ça, je pense. Je crois qu'il y a même des gens qui t'en rejettent. Il en a tant besoin que ça, allez, on lui en jette. Merci, monseigneur. Ah, vous êtes bien brave, merci. Tu n'as jamais fait de mal à des insectes? Bah, ça dépend. Si on parle du rencontre, on est des méchants avec toi, en fait, depuis ouais, le début. On va peut-être en finir en prison. Ouais, hein, finalement, ouais. C'était la question. Hein. Ouais, c'est non, mais après, il y a le moustique d'été, tu vois. C'est la légitime défense. Enfin, moi, j'estime ah, que ouais, c'est... Ouais. Les éclater. Bah, ouais. Écraser un moustique, oui, ça passe. Quand il t'attaque, quoi. Tu te défends quand t'es attaqué. Je l'attends pas qu'il m'attaque. C'est la précognition. Mais tu sais ce qu'il veut et t'es pas ouais, d'accord voilà. avec ça. Voilà, tu n'auras pas mon sang. Hakim? Ouais, bah, bien sûr, moustiques, je sais pas, des pétards sur les escargots. Ah oui, waouh! Wow. Ouais, j'ai grandi en campagne, c'est comme ça qu'il fallait évoluer. Des coups de flingue. Faut s'occuper, quoi. Des coups de flingue, des tétards. C'est pour rentrer dans cette alors secte. Que maintenant, ouais, j'arriverai pas. Attends, quand j'écrase un escargot dans la rue, je me sens mal. Ah, on sent mal. Ouais. Alors, quand tu reçois un mail pro le vendredi soir à 18h, t'as envie de. D'un peu péter un câble. Quoi. De dire que tu l'as pas vu. Ouais. Alors déjà, il n'existe pas avant lundi matin hein, chez moi. Hein, vendredi 18h, le mail, il n'est pas arrivé. Tant pis. Hein, Quel mail? C'est ça. J'ai une boîte mail, moi. J'ai un emploi, je ne suis pas sûr. Ah, je peux recevoir. Moi, j'ai reçu un mail pas plus tard qu'hier à 23h d'une collègue. Donc, tu vois, c'est... Tu l'as ouvert? Non, pour le coup. Voilà. Parce que c'était une collègue et ça concernait pas le boulot, peut-être. C'est si, ça concernait le boulot. Et en vacances, et du coup, c'est moi qui gère les rendez-vous. Et du ah, coup, ah, oui, bah, celui-là attendra lundi, de toute façon. Attendra lundi, celui-là. Tu ressens du plaisir quand tu poses un plus 4 au Uno? Bah, toujours. Ah oui. Évidemment. La volonté de nuire. La volonté. Ah, génial. Ah, jouissance ultime, là, c'est. Vous faites partie des gens qui prennent un vrai plaisir à gagner, quoi. Et vous le montrez aux autres. Ah ouais. Le triomphe, le triomphe modeste de dingue. Mais c'est trop vrai. Je te jure, tu m'as cerné. C'est une caméra. Et oui, il y avait une caméra ici. Moi. Ici. Ah, oui, ici. Il y a une camionnette de flic en bas. Et il y a des petits billets de vin pour que tu y ailles. Mince. Bah oui, carrément. La jouissance maximale quand tu. Et puis par contre, très mauvais perdant, quoi. Ah ouais, faut pas le prendre le plus 4. Je suis très tricheur. Bah, j'aime bien le mettre, mais ça me gêne pas de le recevoir. C'est bonne participation, bon joueur. Ouais, c'est ça. C'est plaisir d'offrir, joie de recevoir quand même. Je pars du principe, tant que j'ai gagné au moins une fois ma partie, je peux perdre toutes les autres. Tant que j'ai gagné au moins une fois, ça me va. Ça va, s'ils étaient tous comme ça, c'est bien. Tu as déjà vu la saison 1 de Prison Break? Alors oui, plusieurs. Ah bah ouais, non. Plusieurs même fois pour moi. Même pas. J'ai raté cette série culte. Non, moi non plus. Autant on peut critiquer peut-être les suivantes, mais la saison 1 est vraiment une très bonne saison de série, même encore aujourd'hui. Je l'ai surtout vu il y a pas si longtemps. Par contre, j'adore son générique. Ah oui, Faflarage, j'ai pas le temps. C'est un classique, un classique. Vous avez déjà piqué des frites? Ah mais on est sur oui, à des gens qui mangeaient avec nous ouais, bien sûr. Ou par terre qu'on trouvait. Non, parce que celle-là faut pas les prendre. Je pense qu'on pique tous les frites de tout le monde beaucoup sur le larcin de nourriture, j'ai l'impression, ce quiz. Est-ce que tu as des choses à nous des traumatismes à expliquer? T'as manqué dans ton enfance. J'essaye de vous faire avouer des crimes. Alors le jour où piquer des frites devient un crime, je pense qu'on peut commencer à s'inquiéter. Il peut y avoir de la violence quand même. Il peut y avoir une réaction violente. C'est vrai. Tu as déjà effectué une grève de ton cœur visant à sauver un bébé panda? Ah non. Non. J'ai dû les garder. Jamais. Je sens le regard perdu d'Akim. Ouais, je me suis dit, putain, ça y est, j'ai basculé. Côté obscur. Ouais, ouais, ça y est, 4h19, c'est fini. On n'a plus de logique. Et le dernier, tu comptes acheter des cadeaux de Noël quelques jours avant le 25. Est-ce que vous êtes la team on achète même 24, oui. Oui. Noël commence vraiment le 22, quoi. Je suis un peu la team dernier moment aussi, c'est terrible. D'ailleurs, je dois avouer qu'au Saint-Seb, bon, voilà, il n'y a plus personne de base, mais le 24, c'était le jour où il y avait le moins de monde. Ouais. Oui. Ah oui. Alors du coup, tu vas, tu fais tes petits achats, t'as des fois des petits trucs de dernière minute. Tu as un petit paquet de bonbons qui passe. Petite boîte de piles de pesto. Déjà, les piles, ouais. C'est vrai que quand j'achète des trucs électroniques, moi je manque rarement de piles. Hein. C'est jamais fourni en plus, c'est chiant. Jamais, non, c'est ça. C'est jamais inclus alors que. Bah, ouais. Voilà, finalement, ouais. Cadeau de Noël parfait. Des piles. Voilà. C'est toujours ce qui manque. Si vous voulez m'acheter des piles, voilà, c'est quoi, okay, envoyé à Fadjet. Exact. Et bah voilà, messieurs, c'était voilà. Mais du coup, on finit en prison d'après toi ou pas? D'après toi, juste ton avis. Ah, non, y a quand même quelques je pense que Hakim, petite garde à vue peut-être. Ah, ouais. petite lumière braquée sur toi et des petites questions. Quoi. Moi, je pense que t'as commencé à mettre des trucs en évidence. Faut creuser plus loin, à mon avis, il y a des trucs. Ouais. Ça, c'est une technique pour commencer à avouer des choses. Après, je suis en confiance avec toi. Ouais, c'est ça. Là, t'as une petite casquette un peu des policiers municipaux là. Donc, je me demande ce qui se passe. Bonjour, monsieur. Je suis en état d'arrestation. Demain, si tu reviens à 3h, on finit ton dossier. Okay. Demain, ça doit pointer en plus. Avez-vous tué quelqu'un? Que faisiez-vous pas le mardi traversé au rouge. C'était orange, On en l'orange très mûr, mais effectivement. Bon, eh bien, merci pour ce talk. Une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. 4h21, toujours dans la 9e heure de direct. Pour l'instant, tout va bien. Personne ne va en prison, voilà. Je crois. On est des citoyens respectables. Moi, ça me va. Et si tu nous parlais, mon cher Hakim, un petit peu de la Chine, peut-être, pour commencer. Bah, écoute, quoi de mieux que là, c'est le nouvel an chinois à l'heure actuelle. Et en plus, là-bas, ils sont réveillés, ils nous écoutent. Donc, autant Jet, ça marche fort en Chine. C'est le principal. Faudrait avoir les codes d'accès, mais voir d'où viennent les ondes. Tu vois, je pense que ça vient pas mal de Chine. Ouais, effectivement. Alors, comme vous le savez sûrement déjà, en ce moment, c'est le nouvel an chinois. Alors, pour les insomniaques qui nous suivent, ou alors tout simplement pour les leftos ou les travailleurs de la nuit, j'ai préparé une petite chronique sur les 30 derniers jours de ce qu'a fait ou produit la Chine de l'autre côté du globe. Du coup, numéro 1, je pense qu'il y a des choses que vous avez entendu parler un petit peu dans les médias, l'intelligence artificielle DeepSeek, meilleure que ChatGPT, et qui a été créée avec un tout petit budget. Alors, tout petit budget, tout est relatif, mais quelques millions de dollars. Ça a fait perdre plus de 2000 milliards de dollars aux marchés boursiers américains en seulement 24 heures. Waouh, c'est pas mal. Quand le chinois se réveille, attention. Effectivement. Deuxième petite anecdote sur la Chine. En 30 jours, je le rappelle, la Chine a présenté le train le plus rapide du monde. Combien de kilomètres heure, à votre avis? 400 500 Eh ben, c'est 405. Oh, la moitié. On est une équipe. Vous êtes belle équipe. Vous êtes un beau binôme. Ça marche bien. Bien réglé. Hein. Vraiment, jamais dessus, toujours à côté. C'est ça. Pas trop près, pas de preuve. 400 km/h avec une technologie de pointe qui promet de révolutionner, bien évidemment, le transport ferroviaire mondial. Troisième petite anecdote. La Chine est en train de construire à l'heure actuelle au Tibet le plus grand barrage hydroélectrique du monde avec une puissance électrique 3 fois supérieure à celui qui est déjà le plus gros du monde qu'ils ont. Donc, c'est déjà pas mal. C'est un barrage hydraulique qui va pouvoir, je crois que ça peut à lui seul, pas loin d'un million d'habitants, tu vois. C'est une belle capacité de barrage. En Chine, c'est l'équivalent de la Meuse, mais c'est déjà bien. On respecte la Meuse, s'il vous plaît. Depuis que t'es ici, ils ont perdu la moitié de leur population. C'est tout ce qu'on dit. D'ailleurs, faut que j'y retourne. Là-bas, les ondes vont jusque. Non, je crois pas. On a déjà avoir l'électricité à la maison. Ça marche plus fort en Chine qu'en Meuse. Il y a plus d'auditeurs chinois que meusiens. Ouais, la Chine surpasse Starlink d'Elon Musk en réalisant l'exploit en télécommunication spatiale atteignant 100 gigabits par seconde en communication laser satellite, seul surpassant le géant américain. Donc ça devient le leader dans ces 30 derniers jours de la télécommunication spatiale. Il faut savoir que c'est beau gosse. Cinquième petite anecdote. la Chine lance le plus gros vaisseau d'assaut amphibie du monde, donc capable d'aller dans l'eau et de... J'ai l'impression que tu veux nous préparer à quelque chose, parce que... Il y a une thématique. Ils font la communication, ils ont l'IA, ça approche sur les vaisseaux. Eh bah oui, justement, attends. C'est quoi ce drapeau rouge dehors là. Et je, normalement, j'ai pas trop d'origine chinoise, mais je voulais prouver que la Chine est costaud. Quoi. Donc c'est un navire très impressionnant, marquant une étape majeure dans la puissance militaire chinoise. Et tout cela, donc, en l'espace de 30 jours, 5 gros changements. Imaginez juste si la Chine vraiment se rend compte de ses pouvoirs. Oh, je pense qu'elle est un peu au courant quand même. Alors, je pense qu'ils ont quelques idées. Ouais, ils ont quelques idées, mais on a toujours l'impression... Est-ce que tu entends beaucoup parler, par exemple, de la force militaire américaine, beaucoup de développement, tu sais, Musk, technologie. Tu entends rarement la Chine quand même, tu vois. Alors, on conçoit quand même que la Chine va être la puissance mondiale peut-être. Eh ben justement, tu crois pas si bien dire. Laissez donc la Chine dormir, car lorsque la Chine s'éveillera, le monde entier tremblera. Tout le monde connaît cette prédiction prononcée, dit-on, par Napoléon. Donc ça date pas d'hier. 1816. Ils mettent du temps à se réveiller quand même, du coup. Écoute, ils mettent du temps à se réveiller, mais en tout cas, il y en a un qui avait quand même... Chine allait, quand la Chine se réveillera, elle sera peut-être un peu moins discrète, peut-être la première puissance numéro 1. Voilà, c'était un petit clin d'œil à mes amis chinois qui nous écoutent tous. Bien sûr. Voilà. Et puis pour briller en société, comme François aime bien le dire, comme Valentin aime bien le dire, des petites anecdotes qui te permettent de dire autour de la table à l'apéro, tu savais. Alors, la Chine, c'est un voleur. Ils vont nous avoir. Tiens, votre connaissance, tu parlais du nouvel an chinois, l'animal de cette année. Alors, on est passé. Serpent, tout à fait. Ah, c'est ça. Je tiens à dire que j'ai eu un petit garçon le 27 décembre et donc j'ai eu un petit dragon. J'ai eu un petit dragon. Bah oui, puisque c'est le. J'avais peur d'avoir un serpent parce que voilà, c'est mal connoté, le serpent, alors que le dragon, ça en jette un peu. Mais c'est pas toujours le dragon, le serpent là-bas en Chine, on a l'impression que c'est toujours pareil. Figure-toi que justement en Asie, le serpent est extrêmement bien connoté. Symbole de longévité, symbole de sagesse également. Mais moi, je viens de Meuse. Et tu viens de Meuse, le serpent meusien n'est pas. Tu es une petite vache meusienne. C'est ça. Non, vous savez votre signe chinois? Oui. Moi, je suis coq, 93, c'est coq. Ah, c'est en année en plus? Ouais, c'est ça, c'est un par an. Je vais peut-être l'apprendre, je crois que je suis serpent. Ah, c'est parce que ça tourne tous les 12 ans. Si t'as une année en 12, si ton. Voilà, non, je suis pas en 12. Moi, bon, voilà. Toi, Valentin, tu. Je suis cochon et même plus particulièrement cochon de terre. Petit cochon. On sait ce que ça signifie du coup? Moi, non. Alors, pour vous donner une référence un peu obscure, pour moi, c'est dans le dessin animé Jackie Chan, je peux voler si je suis coquille. Incroyable dessin. Ah, je suis bien serpent. Oui. Voilà, bien joué, le serpent. L'année 89, tous ceux qui nous écoutent en 1989, on est des serpents, donc c'est un rôle de longévité, tu disais. Voilà, je me sens bien longiligne. Sagesse, longévité, voilà, le serpent est plutôt bénéfique dans la culture asiatique. Mmh. Effectivement, oui, parce que nous, on a la vision plus occidentale du serpent. Oui, mais on a Harry Potter, on va pas se mentir, on a Harry Potter. Oui, on ne veut pas être serpentard. ne dénigre pas ma maison, s'il te plaît. Ah, voilà. Oh là là. Voilà. Ça touche un point sensible. Ouais, effectivement. Je vais l'expliquer à Mouche, il va rien comprendre. Aïe. Bon, je pense qu'il est temps de calmer un petit peu là les tensions. Dès qu'il y a un serpent, forcément. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Je vous propose de voyager un petit peu dans le temps, de retourner dans les années 90, si ça vous va. Déjà avec un jingle qui date des années 90. Ah. On en a eu un tout à l'heure. On était bien content qu'il reste dans les années 90. Je sais pas si celui-là, ça va être pareil. Et après, Depeche Mode avec A Question of Time. On se retrouve juste après. Fadjet, entre 6h et 1h du mat, on parie qu'il y a quelque chose qui vous passionne. We'll be right back. bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. Félicitations si vous êtes encore avec nous. Félicitations si surtout vous êtes là depuis 20h, que vous nous suivez depuis 9h30 maintenant pour ces 40 heures de live pour les 40 ans de Fadjet. Messieurs, est-ce que ça va toujours autour du studio ? Toujours en forme, toujours en forme. Et toi, ouais. Valentin ? Bah, moi ça va, pour l'instant je suis le seul qui n'a pas encore dormi. C'est ça, voilà. Nous, c'est plutôt, on va plutôt s'inquiéter de ton état que du nôtre. Voilà. Oui, c'est vrai. On fait un petit point tous les demi-heures. Tant que vous m'entendez parler, c'est que tout va bien. Mais je vous laisse quand même de plus en plus la parole. Hein. Vous avez remarqué que je fais des micro-siestes entre chaque chronique. Je me suis mis bien. Je vous propose de continuer un petit peu dans les sujets de discussion. Valentin, tu as forcément des très bons sujets puisque tu as forcément un très beau prénom. Regardez-les de là. Bientôt l'émission spéciale Valentin sur Fadjet. Le 14 février, c'est vendredi prochain. C'est terrible. Tu proposes donc toujours de tester, savoir si on... Alors, après la prison, qu'est-ce que tu veux savoir là, de nous? Tout le contraire, du coup, est-ce que vous êtes parfait? Ah oui. Du coup, la réponse est oui. On va le voir tout de suite. Après qu'on ait découvert une facette d'Hakim un peu sombre. Il faut que je me rattrape. Il faut que tu contrebalances. Voilà. Voilà. Commence à recevoir des messages de la Meuse. Travailler ton karma, on va te chercher sinon. Alors, le premier truc, c'est vous dites crotte au lieu de dire putain, fais chier. Absolument pas. Clairement pas. C'est pas trop vulgaire, moi. Donc, possible. Non, mais après, moi, là, du coup, j'ai un nouveau-né. Je sais pas si j'ai déjà mentionné, mais du coup, ça fait qu'il va falloir que je m'y mette. Parce que je rectifie mon langage. Le fameux mercredi. Voilà, pour l'instant, on est encore sur des bonnes insultes aux mamans des gens qui m'énervent. mais du coup, est-ce que vous faites attention à ça, de ne pas dire des gros mots ou Ma maman est en nounou. Il y a donc toujours des enfants en bas âge, pas très loin de moi. Donc, j'essaye de faire attention. Mais quand je suis en solo, attention. Laissez aller. Il y a presque une décharge. Bah, c'est ça, il faut contrebalancer un moment. C'est pour ça qu'il fait de la radio, Valentin. S'exprimer là. Zut alors. C'est le max que je peux faire en radio. Après, je suis viré. Donc, faut éviter. En off, par contre, tu nous insultes. Bien sûr. Je ne pas plus tard que tout à l'heure. Toi, Hakim. Ça surprend toujours. Mais c'est vrai que j'ai un langage soutenu, paraît-il. Je dis rarement des gros mots, sauf dans le sport où justement quand je perds un jeu de société où là par contre les mamans y passent, tout le monde y passe. Oui. Mais c'est vrai que je comprends pas. C'est un mécanisme de défense. C'est un moustique quoi. Tu m'attaques, tu me piques. Une réaction naturelle. Le plus 4. C'est le plus 4. Alors messieurs, vous trouvez toujours la chaussette orpheline? Non, d'ailleurs, c'est toujours le débat, là, avec ma femme, ça me presse. D'ailleurs, je ne sais pas où ils disparaissent, que c'est pas dans la machine, j'ai regardé tous les tutos et tout, il y a toujours des chaussettes sans... Vous avez une théorie là-dessus? Je sais pas. Sur où elles sont? South Park parlait de gnomes chaussettophages. Oui, tout à fait. qui mangeaient la chaussette gnome rock. Non, tu vas enfin nous révéler où elles sont? Vraiment, non. Elles sont derrière ton oreille, Hakim. Est-ce que c'est pas toi qui nous les chaussettes? Qui c'est qui fait ça? Oh là là. Valentin, toi, la chaussette orpheline. Écoute, j'en ai quelques-unes qui n'ont jamais retrouvé leur copine et ça reste un grand mystère, je pense, de la vie. Du coup, tu veux pas l'acheter, ça reste dans ton tiroir quand même, tu la mets dans un coin. Surtout, tu te dis, elle va bien finir par réapparaître. Tu dis toujours, elle est dans la machine d'après. Ouais, oui, c'est ça. Elle est au fond du panier, mais. Elle est jamais dans la machine d'après. Mais du coup, est-ce que vous allez au truc à porter des chaussettes dépareillées, du coup? Les deux solos. Des fois même une sequette et puis une chaussette. Un grand lendemain de soirée. Une tongue et une basket. Alors non, parce que j'ai la chance ou la malchance, vous choisirez, de recevoir toujours des chaussettes à Noël. Voilà. Du coup, j'ai beaucoup de chaussettes d'avance. J'en ai toujours suffisamment d'avance. C'est la vraie question. C'est comme cadeau, c'est bien ça. Comment tu le vis? Mais moi je le vis bien, c'est trop utile les chaussettes, c'est trop bien. C'est des chaussettes stylées. C'est des chaussettes confortables, comme c'est souvent à Noël, c'est des chaussettes thématiques Noël. Un peu Noël tous les jours. Toute l'année pour toi. C'est du journalisme d'investigation. Se met dans le personnage. Alors messieurs, vous testez toujours vos vieilles piles avant de les jeter? Quand on ne les pique pas. Alors moi j'ai un gros truc pire que ça, c'est que je garde mes piles. Tiens, j'arrive pas à les jeter parce que je mets toujours au cas où. Alors j'ai un bol de piles et je sais même plus lesquelles sont bonnes, pas bonnes. T'as j'ai un gros problème avec les piles. Tu crois que c'est pas psychologue? Installez-vous, monsieur. Installez-vous. Je te facture rien. Je vais vous parler une petite pile. Non, mais c'est incroyable ça. Non, moi dès qu'une pile marche pas, même Est-ce que tu la jettes dans la poubelle d'un pile? Non, on a le petit récipient à piles et on l'emmène là où il faut l'emmener, au paradis des piles. Tu vas vraiment d'avoir un nouveau nez. Je t'ai vu les enterrer dans le jardin. Un endroit merveilleux. Pour faire un toi, pilier. Valentin écoute, non, pareil, vu qu'une pile ne semble plus trop fonctionner, je la pousse à bout et puis une fois qu'elle a sur la plus de jus, je la change et puis merci, au revoir. Quoi. Alors messieurs, vous êtes tellement parfaits que vous pensez toujours à la fête des mères. En dernière minute, petit bouquet de fleurs. Vous avez entendu, chers auditeurs, le silence qui s'est installé pendant quelques secondes. Parce que c'est aussi qui sait qui va dire en premier que c'est vraiment un mauvais fils. Ce à 4h38, elle m'écoutera pas. J'oublie. Voilà, je peux le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se mouille. Voilà. Non, mais moi, j'avoue, je suis un peu comme toi. Elle va faire le podcast, elle va le savoir. Tu sais, c'est des intermédiaires qui t'informent que c'est la fête des mères. Ouais, c'est vrai. Non, moi, en vrai, je suis un peu en mode qu'est-ce qu'on fait. Enfin, souvent, j'ai un planning du week-end et donc forcément, le week-end où c'est la fête des mères, on va se dire, bon, bah, normalement, il y a au moins le dimanche où on est avec la maman, à la famille. Donc, non, vu que je fais mes plannings par week-end, je sais quel week-end normalement ça va. Oui. Tu es trop organisé pour moi. Très organisé. Moi, moins organisé, mais par contre, dès que j'ai occasion, c'est comme le gars de la Saint-Valentin. Pour moi, c'est toute l'année, tu vois. C'est commercial. À qui ma mère qui les écoute aussi sûrement pas. Je régale la maman toute l'année. Ah, moi, je régale la maman toute l'année. Mais la daronne à l'abri. On met la daronne à l'abri, exactement. Vous payez toujours vos impôts à temps. Oh putain, non. T'as des questions qui font mal, des fois. Alors, on enlève son fait, masque. Écoute, je savais pas vraiment que j'allais avoir une psychothérapie en arrivant ce matin. Mais tu me décris tout moi depuis tout à l'heure. C'est encore les gendarmes qui se posent la question. Quand je ne reçois pas recommandé dans ma boîte aux lettres, pour moi, c'est pas grave. Et là, justement, j'ai mes impôts, j'ai plein de trucs en retard. Les impôts 2018. Hein. Tu sais, mais des papiers, ça ment. C'est trop tard. Qui vient de faire le recensement, là, il faut faire le recensement maintenant. Il y a une date limite pour les remplir. Ouais, c'est ça. La date limite, c'est le recommandé. Alors, pas l'impôt, parce que je ne gagne pas assez, mais l'URSSAF, parce que auto-entrepreneur, et ça c'est bon. De toute façon, l'URSSAF il te le rappelle, hein, si t'as oublié, oui, il te le rappelle bien. Normalement, ils savent vous chercher, mais normalement, je suis pour l'instant jamais eu de retard, toujours pile. Bon élève, ouais, j'essaye. Bah, l'URSSAF, je suis en site oubli, donc ouais, on essaye quand même. Morgan ? Ouais, moi je suis à jour, ça me fait mal, je dois me couper un rein ou un bras, mais je suis à jour dans mes paiements. Merci. Et toi, inspecteur, on te demande pas tout à l'heure. Bah, parce que moi je suis parfait, je réponds pas. Mais... Ah ouais, non, oui, moi je suis. Et modeste. Et modeste. Je suis un grand stressé. De la paperasse ? Bah ouais, du coup j'aime bien que ça soit fait vite, comme ça je. N'y pense plus. Ouais. C'est vrai que plus vite c'est fait, plus vite. Ouais, c'est vrai que toi, t'as un recommandé dans ta boîte aux lettres, t'as une petite goutte de sueur qui arrive tout de suite. Ça t'est jamais arrivé, même. Je connais pas la couleur. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais quand tu vois l'enveloppe de l'État, tu sais, avec le petit logo. Ah ouais, bien sûr. Tu te dis putain. Bien sûr. Je t'ai dit, tiens, je pensais que je partais en week-end ce week-end. Eh bien non. En vacances. Mais il faut des promos, hein. C'est écrit 90, si tu payes tout de suite. Oui, c'est 135, que je paye plus tard. Bien, ouais. Alors, messieurs, vous êtes tellement parfaits que vous laissez toujours votre place dans le métro ou dans le bus. Ouais. Ouais, on essaye. Oui, si on peut, ouais. Aussi pour les aînés. On respecte les aînés ou les femmes enceintes. On est d'accord. Vous tenez la porte pour les personnes derrière vous. Toujours. Oui, toujours. Hein. Oui. Ouais. On est parfait, hein, n'oublie pas. Mmh. Oui, je le vois. Vous êtes habitué à des perfects aux toilettes. Ah, là, on est sur un sujet plus important. Ça dépend le c'est là qu'on voit qu'il est 4h40 du matin. Ouais. Le Swift. C'est pour voir si on reçoit des réactions. Plus sur le lendemain de soirée, mais sinon, c'est un transit très important, transit. Hein. Ah oui, il faut manger des fibres. Hygiène de vie, manger des fibres, exactement. Mais il faut pas que manger des fibres, attention. Pas trop de fibres non plus. Pas trop d'infos. Oui, non, on essaie, on fait de son mieux. On travaille pour ça. Valentin. Alors, je dirais que ça dépend de ce que j'ai mangé de la veille, quoi. Bon, voilà. Non, mais on est d'accord. On va dire qu'il est sur le troisième kebab de la nuit, Valentin. Ouais, faut tenir, attendez. Kebab Red Bull depuis 20h. Ah, voilà. Tandis qu'il n'y a pas de perfect. Quand vous êtes en retard, vous dites je suis en retard et pas désolé, je viens seulement de voir ton message. Ah. Mmh. Donc, non. En gros, on n'a pas d'excuses. On cherche pas des excuses débiles pour s'excuser d'être en retard. Peut-être ça dépend la personne à qui je dois répondre. Je réponds peut-être pas pareil en fonction de. T'as un exemple à donner ? Un membre de la famille. Membre de la famille, je vais peut-être être un peu en mode honnête. Pro, je vais peut-être être en mode oh là là, je ne comprends pas comment ce message n'est pas parti plus tôt, c'est terrible. Il n'y avait pas de raison. Je comprends pas, il ne m'a pas affiché. Est-ce que Valentin, t'es du gars, j'arrive alors que tu vas à la douche ? Ah ouais, de quoi c'est... On dit Val, t'arrives? Et tu fais ouais, j'arrive. Et en fait, t'es encore à la douche. Encore en pyjama. J'arrive, mais tu vas prendre ta douche et tu décolles. Non. Non, je suis à l'heure, je fais les choses à l'heure. Ouais, je suis un peu relou. Hein. Oh, il est chiant, c'est le premier soir. Mais je suis pas des perfects. Hein. J'ai pas répondu. Il a pas répondu à ça, mais il fait du sale. Du coup, moi, j'essaie d'être honnête, mais après, notamment, moi, je suis dentiste dans la vraie vie. Et donc, c'est vrai que quand on est en retard, souvent, c'est qu'on a pris une urgence. Ou quoi, donc je dis toujours aux patients si ça avait été vous l'urgence, vous auriez été content que je vous prenne. Donc, oui, je suis en retard, mais j'avais une bonne raison normalement. Mais attends, gueule les patients, quoi. En fait. Oh, ouais, non, il faut se faire respecter. De toute façon, les dentistes, c'est pas à l'heure. Non, les médecins en général. Hein, oui, on a c'est presque même classe. Des fois, je pense que je soupçonne ouais, que ça pourrait être à l'heure. Il dit ah non. J'attends 20 minutes. Tu m'as déjà dit que tu regardais des petits épisodes de South Park. Non, mais tu vas citer à l'heure, les gens ils se méfient, ils se disent c'est pas normal. Oula, ouais, c'est que il expédie. Il bac. Ouais, je sens pas. Vous dites souvent si, je t'écoute, alors que. Pas non, du pas tout. Du tout. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah, si, je t'écoute, Valentin, dis-moi. Ouais. Tu disais ouais. Valentin. Bah, comme je suis parfait, j'écoute vraiment la personne. Il est dans l'écoute, toujours Valentin. Toujours plaisir toujours de retrouver. Alors, vous savez allumer un barbecue sans zip, juste avec une allumette. Non. Je sais pas, alors je sais pas allumer un barbecue, point. Avec le bouton. Ah oui, ok. Non, dur. On n'a pas tous la chance d'avoir un jardin, donc on n'a pas tous la chance d'avoir un barbecue. Allez vivre en Meuse. La Meuse est un jardin à ciel ouvert, finalement. On l'a chauffé. C'est la devise du département. C'est la devise du département. Vous restez digne quand l'imprimante indique bourrage papier. Non, on s'énerve, on tire sur la feuille. Oui, on tire. On tire sur la feuille. Fadjet, je sais réparer l'imprimante quand il y a un bourrage papier. Il sait tout faire. Parce qu'on a eu peut-être quelques expériences qui nous ont forcé à apprendre. Donc voilà, on va pas se mentir. Mais on apprend de ses erreurs. On apprend pour la prochaine fois. Je vous en fais encore les deux dernières. Vous écoutez la réponse quand on vous dit ça va. Ah. Ouais, non, c'est vrai. Toi, t'as le ça va régulier. C'est-à-dire qu'on peut pas t'écrire un message sans te dire ça va. C'est une des personnes que je connais. Ah, et c'est vrai que du coup, vu que je sais que tu poses toujours la question et que tu t'adaptes, tu penses, j'essaie toujours de te répondre en fonction. Je vais pas te dire le ça va, tout ça. Je vais essayer d'être honnête sur le ça va. Parce que c'est vrai qu'on a souvent le réflexe, même quand on va très mal, il faut dire ça va. Ouais, ça va. C'est exact. Alors que t'es au bout du bout. Après, faut être conscient que quand on pose la question, la personne peut dire non, et là, les problèmes commencent. Et là, tu dis, bon, est-ce que j'ai 3 heures devant moi? Valentin, ça va? Eh ben, écoute, maintenant que tu poses la question, 4h45, je commence à faire une petite introspection de ma vie. Bienvenue sur le divan, l'émission commence. Et la dernière, vous videz toujours le lave-vaisselle dès qu'il est fini. Évidemment. J'ai pas de lave-vaisselle. Gros traumatisme de ma vie. Grosse source de disputes à la maison, forcément. Hein, les piles, tu vas acheter le lave-vaisselle plein. Par contre, j'ai toujours des piles si elle a besoin. Mais c'est vrai que vider de la vaisselle, putain. Et voilà, messieurs, je vous laisserai libre de juger si vous êtes parfait ou pas. Voilà. On est mi-parfait, mi-perfectionné. Ouais, nous sommes que des êtres humains après tout. Ben voilà. Et des hommes en plus. En plus. On est déjà pas parfait. Pas mal cette émission, le divan, là. J'écouterai, je pense. C'est pas mal, effectivement. Merci. Bon, après avoir fait des belles remises en question de nous-mêmes, si on en apprenait plus. Allez, qui ? Michael Jackson ou Albert Einstein ? Alors je laisse le biscast choisir. Allez, Michael, je crois. Michael. Vous êtes Team Michael? Très belle invitation. Musicale. Après, comme vous êtes un petit peu du genre à scruter et tout, vous allez certainement savoir plusieurs choses. D'abord, une petite anecdote sur Michael Jackson durant sa vie. Il n'était pas blanc. Quoi? Est-ce que vous le saviez? Spoil. Attends, on parle de qui là? Le mythe s'effondre. Le mythe. Excuse-moi, Michael Jackson décédé en 2008. Mais non, il n'y a pas de souci. C'est vivant. C'est vivant. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Est-ce que vous saviez qu'il avait fait plus de 400 millions de dollars de dons sur l'ensemble de sa carrière? Eh ben non, je ne le savais pas. 400 millions de dollars de dons. Donc, il lui arrivait fréquemment de donner des recettes d'un concert pour des œuvres de charité ou céder des objets à la vente aux enchères pour la bonne cause. Généreux. Hein. Tout à fait. C'est dur. 4h46, on rappelle. Ouais. Deuxième chose, le rapport d'autopsie de Michael Jackson révèle qu'il était chauve et qu'il portait des perruques à cause d'un accident lors d'un tournage pour une pub Pepsi en 1984. Moi, j'avais une image d'une vidéo dans un concert où il se brûle les cheveux. Ouais. C'est pendant le tournage de cette pub. Ah Pepsi. Ouais, ouais. C'est pendant un concert, du coup. Donc, non, c'est pendant c'est le tournage de la pub. Okay, okay, okay. Voilà. Incroyable. Mais donc, il est en 84. Très jeune, ouais. Oui, oui, en 84, ouais, je sais pas il est né en quelle année, mais je crois que c'est... On va mettre notre cellule fact-checking là sur le genre comme si Valentin savait tout. T'as l'info. Mais bien sûr. Je suis Wikipédia, c'est moi, enchanté. Voilà. Ses lèvres étaient tatouées en rose et ses sourcils en noir sur la fin de sa vie. Ah ouais, c'est il était assez blanc, tu vois. De toute façon, je pense qu'il dit qu'il pouvait colorer une partie de son corps. Il a essayé, je pense, à un moment. C'est un peu le bateau de Thésée. Si on a une pause musicale, tu pourras nous mettre un petit Michael. Oui, pas mal. Ça retient. En 1980, Michael Jackson et Freddie Mercury travaillaient ensemble sur un projet album. Oui, tout à fait. Ah oui. Commun, mais la collaboration a échoué parce que Michael Jackson ne supportait pas du tout les addictions de Freddie à la cocaïne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Freddie ne supportait pas non plus du tout la présence du lama de Michael Jackson en studio. Et genre, c'était grosse discorde. Ils sont vraiment engueulés à cause de Alors, je sais pas c'est quoi le pire au final dans l'histoire. C'est vraiment quand t'as deux caprices de stars qui se rencontrent et qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu le vois arriver, Valentin, là, l'autre Valentin avec son lama, écoute, c'est mon porte-bonheur. Ouais, mais studio, bon, toi, t'arrives avec le nez plein de poudre. Bah alors, c'est quoi le pire? Je crois que ça reste la drogue. Ne vous droguez pas. Pour appuyer ton anecdote, on peut retrouver les musiques de cet album. Alors, je me demande si oui, je vais me demander s'il y avait quand même des extraits. Ouais, carrément. Parce que ça aurait pu faire quelque chose de sympa, je pense. Les deux rois de cette époque. Bien sûr. Ah oui, complètement. Michael Jackson, peut-être l'indétrônable, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, t'en entends parler. Il y a des biopics, il y a des films. Littéralement, le King of Pop et The Queen. C'est exact. The Queen, oui. Bien vu. C'est vrai, quoi. C'est quand votre émission, vous? c'est le jeudi soir. Vous avez gagné un auditeur, je crois. Pourquoi on n'est pas au courant de ça? Mais faites des pins, de voir de la pub en bas. Mettez sur les sachets de piles, bon sang. Mettez sur les sachets de piles, on passe le jeudi soir. Le secret de l'inclinaison de Michael Jackson, ça commence à être de plus en plus vu quand il s'incline à 45 degrés. Ouais, et en fait, exactement dans les chaussures qui étaient bien sabotées, et voilà, un clou fixé au sol. Alors s'ils disent il y en a ces clous, vis, le débat reste clous et vis, mais dans tous les cas c'était assez stable pour tenir un poids de 60. Moi, j'aime vraiment le débat vis ou clou. Alors c'est une vis ou un clou? Alors, c'est breveté en plus, je crois. Je crois qu'il a déposé le brevet pour ses chaussures et genre c'est un truc qui a été mis à l'impi, quoi. En vrai, je sais pas si pour aller dans ton sens, quand on était gosse, c'était dingue de voir ça. Mais c'était incroyable. Et on aimait bien se dire que c'était vrai. Ouais, que c'était un move physique. On voulait pas savoir. Ta mère qui te disait, oui, mais il a une astuce, c'est comme le magicien. Mais non, c'est Michael Jackson. Michael Jackson, évidemment. Évidemment que la gravité n'a pas effet sur lui. On remettait pas le truc en question quand t'étais gosse. Non. Il faisait ça, voilà. Il faisait ça. Et c'était magnifique. Donc c'était aussi dans Smooth Criminal. Tout à fait. J'aime bien. Et je terminerai Michael Jackson sur sa citation préférée. Attention, instant moment d'émotion. Donner à quelqu'un un morceau de votre cœur vaut plus que toute la richesse du monde. Oh là là. C'était sa citation préférée. Bravo, Michael, de là où tu es, on sait que tu n'es pas mort. Voilà. Il est sur l'île. Il est sur l'île. Avec la fameuse île. La fameuse. Je pense que c'est l'île de Lost à ce niveau-là. C'est vraiment. C'est vrai qu'on est apparu quand même. Mais tu sais, genre le World Trade Center, tout ça, on sait tous où on était. Mais Michael Jackson, on sait tous où on était. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est juin 2008. Ouais, c'était marquant. Petit Avignon, je crois, Valeur. Ouais, on était déjà ensemble. Parce qu'on faisait du théâtre et on était à Avignon à ce moment-là. Ah ouais. C'est pas un peu la ville du théâtre, ça? Notamment à l'époque du festival. Donc oui, c'était clairement pour le festival qu'on était là. On était lycéens. Vous mais avez c'était... vécu. Ouais, on n'est pas en train de se mettre en avant. On a bourlingué. C'est Fadjet. Fadjet d'abord. Voilà, exactement. Mais ce sont les personnalités qui font vivre Fadjet. Exactement. Il sait rebondir surtout. Et à cette heure-là, c'est surtout ça qu'il faut souligner, je crois. Valentin, après, toi, quand tu rentres, tu dors, tu peux plus écouter le reste alors. Moi, je dors à 7h. Ouais. À 7h. Tu te réveilles demain. Et je me réveille vers 16h. Je pense, à peu près. Parce que du coup, tu reprends encore demain la nuit. Ah non, moi je suis à l'antenne à 18h samedi. Hein, donc, Ouais. Et puis je refais la deuxième nuit aussi. Yes. Ah oui. Oui. Parce que bon, le sommeil, pourquoi? Déjà, qu'est-ce que c'est? Je pose la question. Spoof Criminal, je crois que tu avais envie qu'on l'écoute. Ah oui. T'as un amour, Valentin, de nous faire ça. Ah, il nous régale. Oui, mais avant, je vous torture un peu. Le retour des jingles de 1990. Allez. Alors, est-ce qu'il vous a plu le premier? Ouais, j'ai bien aimé la bonne vieille reverb. Quelle bande de faux culs. Je n'en crois pas un seul mot. Jingle 90, puis Michael Jackson. Disco. Une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de Fadjet pour ces 40 heures de live non-stop. On n'est que à la 9e heure, c'est que le début finalement, tout va bien. Autour de la table, plein de monde nous ont rejoint. Corentin, Lise, Damien, Clément, bonsoir, bonjour, on ne sait toujours pas, bonne nuit bonsoir, en tout bonjour. Cas. Comment allez-vous? Bah ça va et vous? Parce que je pense que ça doit être galère là, non? Ça va, on n'est seulement qu'à 9h de live, voilà. Tout va bien. Oh là là. On a des voix de crooner quoi. Voilà, on a un peu buriné là. Un vendredi comme les autres, bien sûr. Hakim, j'ai une mission très spéciale pour toi. Trois minutes pour tenter de nous donner des infos qu'on ne savait pas sur Einstein. Allez, t'as 3 minutes, montre en main. En fait, là, je suis le bouche-trou de tous, mais c'est pas grave. En plus, ça va un petit peu introduire nos amis scientifiques. Et oui. Alors, je vous ai préparé une petite chronique sur Albert Einstein. J'espère vous apprendre quelques trucs. Peut-être que oui, le peut-être que coiffeur. Non, en tout cas. Le nom de son coiffeur ouais. Albert, ouais. Oui. En plus, c'est exactement ça, la première. Non. Oh, le hasard fait bien les choses, dis donc. T'as regardé ma feuille? Non. Histoire de briller un petit peu en société, ça fait toujours classe. Toujours. Alors, il a déclaré d'abord, ça commence un petit peu tristement, qu'il avait fait une grosse erreur en signant cette lettre qu'il regrettait d'avoir aidé les Américains contribuant à la fabrication de la bombe nucléaire en 1939. Ça, on l'a pu le voir dans les magazines, pour ceux qui ont été à l'école, dans les magazines, non, dans les livres d'histoire. T'avais des magazines d'histoire, toi. Ouais. C'était vraiment une école très privée. Pas tous la même école. Ouais. Très spéciale. Il a reçu le prix Nobel de physique en 1921, accompagné d'environ 1 million d'euros de l'époque. Cependant, cette somme fut versée à sa première femme, Mileva, dans le cadre de leur divorce. Bien. Bravo. Mais attention, vous allez apprendre que le petit Albert était un sacré quand même. Le cerveau d'Albert, exceptionnellement développé, a été étudié après son décès. Oui, de préférence. Bah oui. C'est mieux. Ouais, parce qu'à l'époque, ils n'avaient peut-être pas tout pour voir en temps réel. Mais ironiquement, il fut volé par le médecin légiste ayant pratiqué son autopsie. Oh, après, il a volé le cerveau. Le cerveau d'Albert Einstein. Pour en faire quoi enfin, oui, c'est. Non, mais en tant que scientifique. Il faut le faire cuire. C'est une relique. C'est. Ah, c'est la collection. Voilà, genre, il y en a, ouais, c'est des cartes Pokémon. Il lui manquait plus que celui-là, quoi. Je veux dire, c'est il a les chevilles de Michael Jackson. Et... non, t'as dit, c'est un clou, on t'a dit. Oh. Ah, oui, non, oui. Il veut toujours pas y croire. Il veut toujours pas y croire. C'est de la magie. C'est de la magie. Par contre, c'est sûrement lui qui a les chaussettes qui nous manquent, je pense. Il les collectionne. Avec le petit côté kleptomane, quoi. Je crois. Il a eu des relations sexuelles avec ses élèves. Beau gosse, pardon. Prison, prison. Allez, on y va. J'avais pas la faim quand j'ai pensé. C'est trop perdu. Il a abandonné sa femme, une scientifique l'ayant aidé dans son succès, pour une autre femme et abandonnant aussi ses enfants. Ah, pas beau gosse, là, pour le non, coup. Pas beau gosse. Ah, c'est pas être parfait. Et son fils, Edouard, diagnostiqué schizophrène à l'âge de 20 ans, passa la moitié de sa vie à l'hôpital psychiatrique de Zurich, où il fut abandonné par son père, Albert Einstein, qui lui a rendu visite une seule fois en 1933. Wow. Donc, il n'a pas toujours été sympathique, voilà. Le petit non, Albert, quand même. Pas. Et un bon samedi à tous. Et je terminerai, comme Valentin aime le dire en brillant en société, toujours. Je terminerai sur une de ces, de ces citations, pour bien que ça, ça permette de bien cerner le personnage, quand même. Hein. Placez votre main sur une poêle une minute, et ça vous semble durer une heure. Essayez, asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure, et ça vous semble durer une minute. C'est ça, la relativité. Sans transition, bonsoir. Sans transition, dixième heure. Très mauvais partenaire. Fadjet. Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Fadjet, il est 5 heures. C'est parti pour la dixième heure de direct. C'est quoi ton souvenir le plus marquant ? Je pense que c'est la première fois que je suis venue pour mon interview avec François. Voilà, je me suis sentie très bien accueillie et malgré le stress, très vite à l'aise. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Le souvenir le plus marquant, c'est l'émission du mois d'août de l'année dernière qu'on a animée avec Gaël, Mister Vinyl. Et c'était vraiment une bonne osmose tous les deux, ça matchait bien, c'était vraiment très très plaisant. Mon souvenir le plus marquant à Fadjet, c'est lorsque j'ai animé, en passant par la Lorraine, en public, en direct de l'autre canal, c'était en 2019. Joyeux anniversaire, Fadjet! Fadjet, 40 ans de musique et de passion. Cinq heures du matin. Félicitations si vous êtes encore avec nous. Début de cette dixième heure. On attaque la fin du premier quart. On se rapproche eh bien, du deuxième quart. Et nous ont donc rejoint, je vous le disais, Corentin, Lise, Damien et Clément, les scientifiques de Fadjet. Voilà. La Team Science, bravo. La Team Science. Qui n'a pas encore sorti d'émission sur Fadjet. Hein. Voilà. C'est un teaser. On mais parce que la science, ça prend du temps. Exactement. Parce que la science, voilà, ce sont des génies dont on vole le cerveau à leur mort. Voilà, c'est ça la science. C'est ça qu'on aime. Explique-nous un petit peu. Je crois que tu nous as prévu plein de trucs là pour l'heure qui arrive. Alors oui, il y a plein de petites activités. Ça va être sur l'histoire de la radio. Oh. Et sur les dernières grosses avancées qu'il y a eu dans les 40 dernières années dans le milieu de la radio du point de vue technologique. Très ouais. Bien. Alors, on est d'accord, c'est la radiodiffusion, pas la radio des poumons. Oui, exactement. Même si en vrai, il y aurait moyen de faire 15 000 liens, mais on va éviter, sinon ça va durer 3 ans. Bon, déjà, j'espère que vous êtes frais, car on va enchaîner des anecdotes qui ne servent à rien, à part pour briller en soirée. C'est ce qu'on fait depuis le début. Hein. Oui, oui. On va repartir, on aura. Par exemple, est-ce que vous savez ce que ça veut dire radio ? Ça vient du latin radius, qui veut dire. Onde. Très proche. C'est pas un, très proche. C'est pas un os ? Comment ? C'est un os ? Oui. Y a-t-il un rapport ? Du coup, ça veut dire rayon. Voilà. Oh. Parce que voilà, ça rayonne. Oh. Donc, oui, si vous le saviez pas, c'est complètement normal. Est-ce que déjà, vous savez ce que. Comment, avec vos mots, comment vous définiriez la radio en général ? C'est-à-dire. Oh, c'est compliqué. Avec un seul mot ? En quelques mots quand même, des phrases, je sais si pas. Possible. Diffusion, bruit, son. Ouais, ouais. Y a, en vrai, t'as dit des mots. Il y a trois trucs qui sont ultra importants dans la radio. C'est quoi ? Les ondes. On en a un. Le son ? Non. Oui, mais ça c'est avec les ondes. Mais du coup, alors, le premier truc, la fréquence. À la base. La fréquence c'est avec les ondes. Ouais, on est toujours dans le même truc. Diffusion, mais c'est les ondes aussi. Avec quoi tu diffuses ? Un émetteur-récepteur. Voilà, parfait. Merci Clément. C'est quoi un émetteur ? C'est quelque chose qui émet. Oui. Merci Damien. Voilà. En général, ça ressemble à une grosse antenne. Bon, je vous sors le truc un peu technique. En gros, c'est un équipement électronique de télécommunication qui, grâce à une antenne, va permettre de faire rayonner le signal. Quand je dis rayonner le signal, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Il est 5h du matin. Oui, c'est vrai qu'il est 5h du matin. On sent qu'il y a un changement intellectuel entre. On est passé du Biscast à. Du coup, moi j'étais là, au début, je me suis pas mouillé la nuque. Et je t'avoue que là, je nage. Bon après et mince, je me suis emmêlé. Pardon, on l'a perturbé. Excuse-nous. Voilà, merci. Le récepteur. Ensuite, bon bah pareil, appareil électronique qui va justement permettre de capter les ondes électromagnétiques captées par les émetteurs radio. Donc là et donc le troisième truc, c'est le plus important, c'est les ondes. Mais qu'est-ce qu'une onde ? Elle est balancée n'importe quoi. À quoi vous pensez quand je vous dis onde ? À la physique quantique. Alors, ouais, mais là, c'est un petit peu trop loin. Alors, je pense à des signaux sinusoïdaux. Exactement. Voilà, j'arrive encore à sortir ce genre de mot à 5 heures. C'est que je ne suis pas si fatigué. Tout va bien. Vas-y, maintenant, épelle-le. On peut dire. Sinusoïdal. En deux. En deux. Oui, bah, les signaux, enfin, vous voyez à quoi ça ressemble, le tout qui monte et qui descend. L'oscilloscope de. L'oscilloscope, voilà, hein. C'est ce qui permet de le mesurer. Pardon, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Du collège. Exact, mais oui, au collège, ça, on en a tous eu. Il est différent des autres oscilloscopes, celui du collège ? Oui, non, c'est vraiment, en fait, le collège se fournit dans un endroit où il n'y a que des oscilloscopes, pour le collège. Très bien. C'est très spécifique. Ah, je vais bien te croire. Alors, donc, avec justement ces oscilloscopes, on peut mesurer les ondes. Et il existe trois types d'ondes. Donc déjà, on a cité les ondes électromagnétiques, qui sont celles pour la radio. Ondes sonores. C'est les ondes électromagnétiques, les la ondes lumière. Sonores. On est toujours dedans, c'est toujours les mêmes. Justement, il y en a une qui est utilisée, comment ? Je crois même que ça a été démontré par Einstein, type d'onde qui sont dans l'espace, je vous dis gravité... Les ondes gravitationnelles. Eh ben exactement. C'est le genre d'indice que tu donnes, c'est la réponse en fait. Très bien. Ok. Je note pour la prochaine question. Il y a un indice. Ouais, je vois ça. Et c'est le seul mec qui est censé pas être scientifique qui a trouvé. Alors je te rassure, on n'est pas plus scientifique à qui même moi. Hein, je rassure. Oui. Mais pour l'instant, je comprends tout. Tu vois. J'ai fait croire avec sinusoïde. Ça s'arrête là. Hein, c'était ma seule réponse intelligente. Hein. Fallait pas le dire. Aller vendre un peu de... Donc, les ondes gravitationnelles, en gros, c'est la déformation de la géométrie de l'espace-temps. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'espace, quand vous avez une planète, et il y a toute la gravité pas souvent autour... dans l'espace, mais dans avec un trou noir, ça se voit mieux. Oui, exactement. Oui, noir, mais en fait, je vais donner un autre exemple. Interstellar, vous voyez Interstellar ? Vous l'avez tous vu ? Bien sûr. C'est le truc vous savez, le passage c'est... où le temps se passe complètement différemment. Oui. Ben, ça, c'est dû aux ondes gravitationnelles, en gros. Ça déforme... Déforme quoi alors la vision, la réalité Le temps et la gravité, c'est-à-dire qu'elle va pas être la même autour de la planète. Ah, exact. Et du coup, à la vitesse où tu te déplaces, le temps va se passer différemment. Plus un objet va vite dans l'espace, plus le temps est lent. Donc par exemple, alors à petite échelle, par exemple Thomas Pesquet, quand il est juste autour de la planète, techniquement, il vieillit moins vite que nous sur Terre. Ouais. Ça se voit pas. J'avais entendu. Mais c'est vraiment genre quelques millisecondes, tu vois. Genre, c'est pour ça qu'on dit qu'un an en voyage spatial correspondrait à 100 ans, je crois, un truc comme ça sur Terre. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce côté à décaler. Je pourrais en parler pendant des heures de ça, mais c'est pas le sujet. Mais... Écoute, il te reste 53 minutes. Donc, on te retrouve où pour entendre parler de ça alors ? Bah, bientôt sur Fadjet. On espère. On émission, mais on va en parler un petit peu après. Ok. Donc, on est d'accord, ta référence est Interstellar, un film où tout le monde se fait sauver par l'amour à la fin. Ah, m'en parle pas. Mais par contre, pour Interstellar, alors j'ai oublié le nom du scientifique, mais il y a la pointe, faut vous taper juste livre physique Interstellar. Non, mais vraiment, juste ces trois mots. C'est trois mots. Et y a, par hasard. En fait, vous tomberez sur le livre qui a permis à Nolan de faire le film. Et il a été accompagné d'un super scientifique. Et en vrai, si la physique ça vous passionne, vous allez avoir toutes les bases. Ensuite, il y a un autre type d'onde. Vous m'avez pas dit. Hertzienne ? Non, ça c'est encore électromagnétique. Non, enfin, non, c'est encore. Ça je l'explique après. Les ondes dans l'eau, enfin je... Ah oui, mais du coup, les ondes dans l'eau, c'est quoi? Du déplacement de matière en fait. Non, c'est... non, mais non. Elles ont besoin de quoi, les ondes dans l'eau, pour se déplacer, du coup? D'eau. Oui, d'eau, mais du coup, si on va vraiment dans les termes physiques... D'atomes, de molécules. De matière. De la matière, ouais, de merci matière. Damien. Frère, j'ai vraiment dit déplacement de matière. Ah, j'ai pas entendu alors ce qu'elle a dit. Alors, je vais mettre le casque. Non, mais t'es pas là. T'es pas, je vais mettre le casque. J'entendrai tout le monde. C'est, tu nous fais du mansplaining là. Non, bah, j'ai pas entendu. Ah, super, bonne annonce. À 5h08 sur Fadjet. Donc, oui, exactement. Donc, les ondes mécaniques, en gros, c'est ce qui se propage sur un support physique. Donc, un exemple tout bête, ça va être une goutte d'eau. Quand vous voyez l'eau après qui une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, qui fait des petites vagues, en fait ça c'est l'onde qui se déplace dans la matière. Les ondes électromagnétiques, du coup, elles n'ont pas besoin de support physique. Elles se basent en gros, alors je vous fais la phrase chiante. Elles n'ont pas besoin de support physique et peuvent voyager à travers le vide grâce à l'oscillation des champs électriques et magnétiques. Oh. Et en gros, c'est juste ça se balade dans les particules. Je crois que j'ai gagné 15 points de QI avec juste cette phrase. Hein. C'est et c'est pas fini. Et j'ai mal à ma tête déjà. Pas fini. Donc oui, donc nous on se concentre juste sur les ondes électromagnétiques pour la radio. Donc ça se passe pas dans la matière. Tout à fait. J'ai un contre-argument à ça, mais on commence à... Vas-y. Non, mais en vrai, nous sommes là pour discuter. Eh ben, la radio, ça reste du son. Or, le son, pour se déplacer, a besoin de matière. Oui, ah oui, mais là, tu parles du son. Tu parles du son qui est reçu. C'est-à-dire, on parle. Ah oui, exactement. Mais on parle pas du signal entre. Enfin, moi, je parle du signal entre l'émetteur et le récepteur. T'as dit pour la radio, t'as trop généralisé. Ouais, il a raison, parce que si t'as un endroit où il y a justement pas de déplacement de son, tu peux parler comme tu veux dans ton micro, il y aura jamais de son qui va passer. Tu mets ton poste radio dans le vide, il y aura pas de son qui en sortira. Ça, c'est vrai, mais il y aura quand même le signal qui sera envoyé. Qui sera reçu. Oui, mais il servira à rien ton signal. Mais c'est pas le sujet, ok. Mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai des référence cinématographique Alien dans l'espace, personne ne vous entend crier. Oui, un grand classique. D'ailleurs, le dernier était très bien. Tout comme les vaisseaux dans Star Wars. Oui. Et oui, ça c'est vraiment... On les entend pas. Et oui, normalement, ouais. Mais il y a plein de trucs comme ça dans la science-fiction. Alors là, tu viens de m'ouvrir une parenthèse folle. Et c'est la 38e heure sur ces 40 heures de live. Oui, justement, dans tout ce qui est film de science-fiction, en fait, tout le bruit, il se diffuse pas dans l'espace parce que c'est vide, justement. Ouais. Et ça rendrait moins bien. Ça rendrait moins bien dans le cinéma. Et il y a un autre truc, et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quasiment que Interstellar qui l'a fait, c'est l'histoire de la relativité où le temps se passe pas de la même façon à droite ou à gauche. Ce qui fait que tous les films, en fait, comme Star Wars ou les jeux vidéo type Mass Effect ou Halo pour ceux que ça parle, le temps, il devrait pas se passer de la même façon entre les planètes. Donc on peut pas créer d'histoire. Tu peux, mais enfin, tu pas la même gueule du coup. C'est ça. Ce serait vachement moins intéressant. Alors pour ceux qui sont fans de SF, je conseille le livre de Joe Haldeman, La Guerre Éternelle, où en gros c'est des humains qui se battent contre des aliens et c'est un des seuls livres qui prend justement la question de la relativité au sérieux, ce qui fait quoi. Bon, je sais que je pars loin là, mais où en gros vous avez des aliens qui attaquent, mais on sait pas pourquoi ils attaquent, parce que eux ils attaquent dans le futur et nous on voit les trucs dans le passé. C'est super intéressant. Et ça vous mindfuck à 200%, je vous le conseille vraiment. Un bon livre à 5h11, bien sûr. Mais en vrai, t'es pas prof, toi, parce que j'aurais un prof comme ça, j'aurais été bon. Ah bah, et non. Tu vois, j'écoute et j'apprends des trucs, alors que normalement j'écoutais peut-être pas aussi. Est-ce que vous avez des questions sur la partie onde ou des trucs C'était clair, hein, je crois que... T'as dit qu'il y en avait trois, on en a entendu que deux, du coup. Et mécanique, électromagnétique, et gravitationnelle. Et gravitationnelle. Gravitationnelle, ok. Et est-ce que juste sans que j'oublie rien... Oui, si, on est tout bon. Ce que je peux vous proposer, c'est déjà de faire une pause. Ça fait déjà quand même un peu beaucoup ça d'informations. 12 minutes. Quand on emmagasine tout ça. Quand on devient intelligent, c'est un grand changement pour nous. Faut que tu nous laisses le temps, effectivement. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Tiens, un petit hit étranger. Que dites-vous d'un petit Kygo pour se réveiller un petit peu parfait. À 5 heures. Parfait. Chasing Paradise, on se retrouve juste après. Fadjet a 40 ans. Happy birthday to you. Un anniversaire à partager. Oh, wow. garden road got me thinking back to when we were young. And lately I've been feeling it in my bones. Knew I'd be coming home again. Oh, twisted heart, don't get jaded, just go back to the start. And don't you worry how all of it ends. Know where we're headed in the end. One day we'll throw our hands in the sky, watch the stars as they fly over you and I in paradise. Running wild with the wind, feeling high, breathe it in, yeah, we come alive in paradise. I'm chasing paradise with you. Time slipping by, it's a river, darling, swim, do or die. Yeah, I know we all get lost in this tide, but we're dancing in the end. I'm chasing paradise with you. I'm chasing paradise with you. Chasing paradise with you. En 2025, Fat Jet fête ses 40 ans. Happy 40 ans, 40 heures, nous sommes en plein cœur de, si je ne dis pas de bêtises, la 10e heure. Et vous l'aurez compris, c'est donc une heure où on devient plus malin. Hakim, malheureusement, ça lui a fait trop d'informations, ne l'a pas supporté. Il est parti en burn-out. Il est parti en burn-out, on l'embrasse bien sûr. Pour l'instant, je résiste et je suis déterminé à continuer d'apprendre des choses. Toujours sur l'univers de la radio. Exactement, mais là on va partir plus sur les grands inventeurs. Oh. Juste avant, j'ai oublié de dire un truc, c'est que j'étais chez Science Infuse avant à l'époque, il y a 5 ans à la radio. Donc je suis pas juste un coucou. Bon, ça m'étonnerait qu'ils m'écoutent à 5h, entre 5h et 6h du matin. Moi je pense que c'est le moment où on a le plus d'auditeurs. Hein. Exactement, mais je suis pas juste un coucou à toute l'ancienne équipe. Et pour le contexte, en fait, Science Infuse c'est une émission de vulgarisation scientifique où on enchaînait plein de chroniques. Sur divers sujets, ça allait vraiment de biologie à sociologie, tout en général. Voilà. Et on les embrasse. Et oui. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de ce qu'était la radio, donc je rappelle, émetteur, récepteur, et c'était quoi l'autre ? Voir si vous êtes toujours réveillé. Gravitationnel. Non, les ondes électromagnétiques. Merci. Bon, après, il est 5h. 5h17, voilà. On pardonne les petites errances, hein, bien sûr. Alors, j'ai perdu ma ligne. Donc oui, là, on va aller voir les inventeurs. Oh. Alors, niveau période, est-ce que vous avez une idée déjà de quand il y a eu le plus de... Alors, pardon, je remets plus de contexte. Alors, la radio, comme beaucoup d'inventions en général, en fait, c'est un ensemble de découvertes qui ont amené la création de la radio. C'est rarement une personne qui a inventé la radio. Mmh. Donc là, on a toute une liste d'inventeurs. Donc, à votre avis, les débuts de la radio, c'est vers quelle période ? 1800-1900 ouais. dans ces eaux-là. Ah, parce que 1800-1900 bah, tu as, t'as dit qu'il y avait plusieurs inventeurs, donc j'imagine que c'est tout au long, parce qu'il doit y avoir le télégramme et les trucs comme ça. Et donc, oui, bah oui. Donc là, par contre, on est au 19e. On est vraiment 1800 jusqu'à... Bah d'ailleurs, la première diffusion, radio. Et je... Radio Londres. Non. Alors c'est justement entre la France et l'Angleterre. Oui, mais je pense pas que c'était Radio Londres. Non, c'était... Non. Parce que vous avez une idée de l'année, comme ça vous donne déjà des indices. Je suis très nul en histoire et en date. C'est pas une réponse. Hein, C'était pendant une guerre ou pas? C'était avant une, mais après une autre. Super. Est-ce que tu serais en train de dire que l'histoire de l'humanité serait peuplée de guerres? Oui, un peu, oui, quand même. C'est fou, ça date donc. Je sais pas. Une année. Dites-moi des années au pif. Allez, 1880 Chaud. Ah, 1851. Oh, ça refroidit. Ah merde. Donc, 1900. Très, très, très, très chaud. 1900. Oh, plus ou moins moins. Faire. Bah, 1899. Et oui, c'est en 1899. J'ai fait tout le travail. C'est terrible. Alors, je me perds vraiment dans mes notes, c'est terrible. Il est 5h20, hein, les yeux sont là, plus ouverts droit. Il y a trop de noms. Il y a trop de dates surtout. À la base, ça a été inventé pour la guerre ou non. Pour autre chose? Non, enfin, c'était vraiment. Une invention qui n'était pas pour la guerre à la base, incroyable. Bah, après, c'est fou, étonnant. Ça a servi pour la guerre. Et ça, oui. Bah oui, parce que surtout avec le télégraphe au début. Oui, télégraphe, télégramme, je sais jamais. J'ai un doute. Le Morse. Télégramme, et le télégraphe, c'est le truc que tu récupères à la fin. Merci. Oh. Voilà. Donc ça, c'était bien avant les premières inventions de la radio. C'est même ce qui a lancé un peu le truc. Un peu beaucoup, même. Qui a lancé la mode, tu veux dire? Ouais, c'est le côté fashion. Alors, pour info, les seuls trucs que je connais du télégramme viennent de Dr. Quinn, femme médecin. Comme quoi? Comme quoi? Alors, je n'ai pas la ref, c'est quoi? C'est une très vieille série. Enfin, non, c'est une vieille. Tu vois la petite maison dans la série? Dans la prairie? Ouais. Et ben, ça passait en même temps. Voilà. Si ça peut te donner une idée. Ok, je vois l'ambiance. Et c'est à peu près dans la même époque. Hein. C'est vraiment. Alors, pas de réalisation, mais de diffusion, ouais. Alors, est-ce que vous avez des idées de noms scientifiques qui auraient pu participer, sachant qu'on est sur des grands inventeurs connus? Au hasard, Thomas Edison. Alors, il était proche, justement, d'un des inventeurs qui est ultra connu. Tesla. Ah, parfait. Alors, quoi, c'est pas que des voitures? Quoi? Mais proche, non, pas du tout, ils se détestaient. Oui, mais ils ont beaucoup... Alors, ils ont travaillé ensemble. Ils ont énormément travaillé ensemble. Et bon, alors là, je viens de perdre, du coup, parce que t'as eu bon, donc du coup, je viens de perdre une devinette. Là, c'est super, bravo. Merci. C'est pas grave. Mais en gros... On récupère du temps. Tesla, il a déposé environ 300 brevets pour 125 inventions. Et avec tous ces brevets, il a tout quasiment... Enfin, c'est Edison qui les a posés, ces brevets. D'accord, donc, ok. Après, Edison est connu pour voler des brevets. D'accord, ok. Voilà. Ah. Donc après, je n'ai pas le détail de leur relation, mais oui, Edison. Alors, j'ai pas de rêve concrète à vous donner là, mais. Mais je sais pas, mais du coup, grand inventeur, oui, enfin, grand inventeur qui aurait fini chez Julien Courbet. Oui, je ouais, pense. Okay, pas là, un grand gars. Chance. Ça va se savoir. Mais oui, Edison, oui, je vous invite vraiment à regarder, parce qu'on l'idéalise un peu en tant que grand inventeur, machin. Mais en fait, lui, il était très, très, très, très fort pour très bien s'entourer. Pour piquer des trucs. Et pour piquer les brevets. Mais surtout que sa guerre avec Tesla, au final, il l'a techniquement perdue. C'était la guerre entre le courant continu et le courant alternatif. Aujourd'hui, on utilise tout à fait le courant alternatif et plus du tout. On utilise aussi le courant continu pour transporter des quantités énormes d'énergie en haute tension. Sachant qu'Edison était plutôt en faveur du courant continu, voilà. Et que c'est l'invention de la chaise électrique qui a fait le courant alternatif, okay. Qui l'a popularisé. Exactement. Merci Nota Bene. Allez voir Nota Bene. Il a reperdu ses notes. Oui, c'est terrible, vraiment, ce matin. Bon, allez, je vous fais une petite devinette. À mon avis, vous allez galérer, je vous préviens. Allez, on est parti, on est chaud, là. Donc, je vous donne un premier indice. Donc, le nom, c'est ce qu'a donné la mesure de la fréquence. Ok. Hertz. Ah, Hertz, ouais. Est-ce que tu as, du coup, ce que tu penses à un scientifique On va l'appeler Paul Hertz. François Hertz. Alors, ça fait un peu allemand. Ouais, Hans Hertz, je pense. Hans, France. On est justement sur les Allemands. Voilà. Ingénieur et physicien. Et il démontre l'existence des ondes radio ou électromagnétiques en 1886. Donc, ça, c'est un des trucs les plus importants qu'il y a dans l'histoire de la radio. C'est un anglais, non? C'est un allemand. Ok. Et bon, son prénom, enfin, il a deux prénoms. Son premier, c'est Heinrich. Ah oui, c'est allemand, oui. Voilà. Et son deuxième, c'est Rudolf. Comme ça, si t'avais encore un doute après le premier. Comme ça, voilà. Là, c'est sûr. Donc, Heinrich Rudolf Hertz. Mais en parlant des Hertz. Non, pas les locations de voitures, par contre. Faut pas te confondre. C'est pas la même chose. Vous l'avez pas la reste. J'ai pas la reste. C'est une entreprise. Ah, là, là, c'est là. Donc ça, c'est le niveau scientifique. Très bien. Non, non, mais très bien. Bon, alors, c'est quoi un Hertz? Ah. C'est une fréquence. Ouais, mais non, qu''est-ce qu'on mesure avec le Hertz? Bah, la fréquence. Oui, mais non. Plus précisément. Ah bah, tu nous demandes d'être précis à 5h du mat. Ouais, c'est bon. Hein. En gros, c'est la fréquence d'un événement qui se répète une fois par seconde. Attends, j'allais essayer de me mettre une fois par seconde. Ouais. J'ai presque tenté un truc comme ça. Vous voyez? Non, si, je vois. Je pense que je l'ai jamais su. Mais à part un signal, du coup, ça peut mesurer quoi d'autre? Un signal. C'est une cadence, ouais, en fait. Super. On est bien avancé. Non, mais je cherche un truc qui se répète une fois par seconde, mais il est 5h du mat et les gosses commencent à se lever. Donc... Une fréquence de 1 Hertz, du coup, ça se répète une fois par seconde. Alors, ensuite, donc, on a notre fameux Nikola Tesla. Et lui, il a créé un générateur à onde fréquence de 15 kHz en 1889. Et ça, c'est le premier émetteur. D'accord. Et il a fait le récepteur en même temps ou... Oui, j'allais dire, est-ce qu'il y avait un récepteur? Sinon, ça a peu d'intérêt. Là. Eh ben non. Regardez cet objet, ça émet des trucs que vous ne pouvez pas voir. Je vous jure que ça marche. Et si, croyez-moi. Eh ben non, c'est une excellente question parce que c'est un Français qui a inventé le premier récepteur. Incroyable. Un Français. Cocorico. Eh oui. C'est-à-dire que t'as Tesla qui était là qui fait « Alors j'ai mon machin, il envoie des trucs. » Et il y a un Français qui dit « Et si on faisait un truc pour récupérer les trucs ?» Et comme par hasard... Et paf, ça fait la radio. Un an après... Combien, moi, j'ai un truc pour recevoir les trucs. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont une tarte aux pommes. Odeur radio. Donc, il crée ce qu'on a appelé le radioconducteur en 1890. Ok. Alors, je vais essayer de vous faire deviner son nom. Bon, déjà, on sait qu'il est français. Voilà. Donc, son... Dupont, Pierre. Non, son nom a été donné, son nom de famille a été donné à un quai parisien dans le 7e arrondissement. Merde. Branly. Oui, voilà. Ouh. Et une partie de ce quai a été renommée quai Jacques Chirac. Voilà, vous le savez. Très bien. Est-ce qu'il a inventé la radio aussi, Jacques Chirac? Non, mais il l'écoutait, je pense. Pas mal. Il mangeait des pommes aussi. Et il mangeait des pommes. L'ASMR pomme de Jacques Chirac sur la radio, ça doit être quelque chose. Pas mal. Donc son prénom est aussi le même que le vampire principal du film Twilight. Édouard. Voilà, donc Édouard Branly, un physicien et médecin français né en 1844. On va pas faire de blagues. On va pas faire de blagues. Non, on fait pas de blagues, non. Et il est décédé en mars 1940. Très bien. Okay. Bon, alors après, je vais pas vous faire deviner les noms parce que ça devient. voilà. Je vais faire un petit résumé. À ce niveau-là, tu nous cites juste des lieux et il faut juste qu'on les retrouve en fait. Bon, j'ai un russe maintenant. Voilà. Vodka. Non. Est-ce qu'il s'appelle Vladimir? Non. C'est pas un russe. Non, c'est un prénom. Je sais même pas à quelle origine. C'est Alexandre Popov. Ah, ça, ou pas. Je connais le nom, oui. Je crois. Oui. Ah, vous avez déjà entendu? Oui. Qu'est-ce qu'il a inventé du coup? Bonne question. Qu'est-ce qui nous manque là? On a l'émetteur, récepteur. Un amplificateur ou un truc dangereux. Du bon goût. Et du coup, dans la radio ou pour la télé, il y a quoi sur ton poste ton poste de radio? Un transistor. Des enceintes? Non, mais pour recevoir le truc, il faut un truc. Ah, une antenne. Voilà. Ah, et parce qu'ils ont inventé des émetteurs, des récepteurs, mais il n'y avait pas les antennes pour le recevoir et l'émettre. Alors si, mais les antennes, c'est pour envoyer beaucoup plus loin. Ah. Quoique non, en fait, non, je dis n'importe quoi. C'est... Non. Attention, j'arrive juste après. Donc, je sais que cette émission a été fact-checkée précieusement. Et oui, beaucoup travaillé. Et donc après, maintenant, donc on a tous ces petites inventions à droite à gauche, et il y a un monsieur qui se dit. Et si je mettais tout ensemble? Et si je mettais tout ensemble? Quelle bonne idée. Et, en fait, et c'est un Italien qui a fait ça à 22 ans. C'est quand même une invention internationale, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas un seul cas de la même nationalité que le précédent. Hein. Et c'est... Alors, pardon, de toute façon, il ne m'entendra pas si j'appelle mal son prénom. Il y a peu de chance. C'est Guglielmo Marconi qui va rassembler en fait toutes ses inventions. Et il va donc créer sa société, il va vendre ça et puis il va installer la radio dans le monde entier. Donc, il va vendre à des particuliers, du coup. C'est plutôt... Je sais pas. Il développe son produit pour les gens ou pour des institutions? Alors là, j'ai pas la réponse. Okay. Mais je je pense qu'il y a quand même le côté argent, enfin vraiment le côté créer sa société, etc. Donc ça m'étonnerait qu'il faisait ça gratuitement. Non, pas du tout. Est-ce qu'il faisait ça pour des professionnels ou des particuliers? Alors, je pense que c'est plus pour du... Alors là, vraiment, c'est du jeu, l'invention, faut vérifier. De l'ordinateur, c'était des armoires, et donc personne n'avait ça chez lui, et il faut attendre que ça soit public, enfin, démocratisé. Je pense que c'est pareil, parce que le... Déjà, juste le fait de créer son générateur, son émetteur, récepteur, etc. C'est quoi l'année? Mince. Mince, je l'ai pas noté. Parce que je sais que sur le Titanic, notamment, tout ce qui était Telegram, c'était pratiquement que des trucs professionnels pour les affaires et tout ça. Et le Titanic, c'est 1906, 9, quelque chose comme ça. Donc vraiment, oui, donc... La date que t'as, qui s'affiche, c'est quoi? Alors, c'est pas le moment où il a inventé le truc, c'est le moment où il fait sa première transmission, et c'est le 12 décembre 1901. Donc je pense que c'était que pour des pros. Ok. Et est-ce qu'on a inventé la voiture avant l'autoradio? Bon, alors là, on est sur un autre domaine. Je fact-check cette question. Personnellement, je dirais que oui, mais... Et à quel moment on a mis la radio dans l'autoradio? Alors, hésitez pas à remplir là pendant que je cherche. C'est bon, je l'ai. C'est 1886 la première voiture. Et donc elle pouvait atteindre 15 km/h à l'heure. Ouh là là. Mais à l'époque. Il y a eu des accidents, il me semble, à l'époque. Oh bah... Même avec 15 km/h. Bah, c'est-à-dire, ils ont inventé la voiture, mais ils ont inventé le frein après. c'est comme la radio, c'est, ils ont fait, on a un truc qui émet mais on n'a pas un truc qui reçoit, bah pareil, on a un truc qui roule mais pas un truc qui s'arrête. Il y avait, quoi, déjà, il y avait déjà des équipes qui parlaient dans des micros mais personne ne les écoutait du coup. Après, à cette époque il y avait déjà des arbres pour arrêter la voiture, bon c'était une solution. C'est un frein un peu extrême je trouve. Mais Quand t'as pas d'autres freins. Donc on fait un petit récap. Oui, oui je pense que c'est nécessaire. Oui. c'est La radio se compose de quoi? D'un émetteur, d'un récepteur et des ondes. Parfait. Qui est le monsieur qui a tout mis en commun? Marconi. L'italien dont je ne vais pas me risquer à mal prononcer. Marconi. Et allez, vous sentez de citer trois des scientifiques que j'ai cités sur les cinq? Tesla. Ouais, Tesla. Et Branly. Branly. Et Popov. Popov. Popov, ouais, le russe. Bien vu. Eh ben, je propose qu'on se fasse une petite pause, parce que ouais, ça fait déjà un quart d'heure. Donc n'hésitez pas de prendre le temps de digérer toutes ces informations. On se retrouve juste après, en plus, pour parler d'une nouvelle asso de médiation scientifique qui va faire pas mal d'émissions sur Fadjet. Et après, je vous parle des innovations qu'il y a eu dans ces 40 dernières années dans le monde de la radio. Eh ben, tu parlais de relativité, que le temps ne s'écoulait pas à la même vitesse partout. Je vous propose de redécouvrir un jingle de 1990, un jingle Fadjet de 1990. Oh. Vous allez être content d'être en 2025, et croyez-moi, juste après, c'est Marshmallow avec Slow Motion. Why not? Pour ne plus perdre son temps, météo. Usually not the type to keep on waiting. Usually like to love and leave them fast. Something that you're doing got me thinking. I'ma take my foot up off the gas. She said, hey, I like where this is going. So let's just take it slow, slow motion. Been waiting all day to get you in this moment. So let's just take it slow, slow motion. Oh yeah. Where this is going. so let's just take it slow, slow motion. Been waiting all day to get you in this moment, so let's just take it slow, slow motion. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Marshmello avec Slow Motion à l'instant, toujours présent pendant ces 40 heures. Fadjet, 40 ans de musique, d'infos et de bonne humeur. Félicitations si vous êtes encore avec nous, 5h34 dans ces 40 heures pour les 40 ans de Fadjet. Ça fait 30 minutes qu'on essaye, enfin en tout cas que moi j'essaye de devenir plus intelligent. Je ne sais pas si c'est réussi, mais j'ai appris plein de trucs et ça déjà c'est cool. Corentin, dis-moi un peu, tu vas nous parler je crois d'une asso. Oui, exactement. Donc une asso qui s'appelle l'Apex, parce que en fait on est tous membres ici d'une asso qui s'appelle l'Apex. Alors pas tous. Tout à fait. Oui, moi je ne suis pas. Voilà. Mais quand tu même. Peux le devenir. Ah, ça m'intéresse. Et bah du coup c'est quoi l'Apex? Parce que je crois que Lise t'es la présidente, si je dis pas de bêtises. Je suis tout à fait la présidente de l'Apex. L'Apex ça veut dire Association de Popularisation et d'Éducation à la Culture Scientifique. On a trouvé ce nom un peu pompeux, mais moi je trouve qu'il est joli. Il sonne bien. C'est surtout le côté Apex. C'est ça. D'ailleurs, ça veut dire quoi Apex? Tiens, on va voir si vous vous souvenez. C'est-à-dire sommet, ouais, plein de mais trucs comme en ça. Science, c'est quoi l'Apex? C'est le sommet d'un ensemble de trucs. Ouais. L'Apex, c'est les prédateurs, c'est... Ouais, il y a ça. C'est l'homme, parce que c'est l'homme le plus grand prédateur sur la planète. Ouais, et c'est aussi tout ce qui est en haut d'une... D'une colline. Non. D'une chaîne par exemple, en... Ah, mince. Pour les dents. Le haut de votre dent, en fait, on va appeler ça l'Apex de la dent. Moi, j'appelle ça une gencive, mais... Il y a aussi autre chose. C'est la direction vers laquelle... Alors, ce qu'on appelle l'Apex, c'est la direction vers laquelle notre galaxie va. C'est beau. Voilà. Pardon, du coup. Je trouve ça un peu poétique. Oui. J'aime beaucoup. C'est beau. Et c'est beau. Donc, oui, Lise, l'Apex, qu'est-ce que c'est donc? IBC, Nesso. et donc, comme son nom l'indique, on essaye un peu de mettre en avant les sciences, de faire des contenus qui nous intéressent et qui intéresseront probablement des gens. On espère. Bientôt, diffusion. Et quel type de contenu? Eh bien, pour l'instant, ce sera principalement des podcasts. Donc, ouais. On a la chance de pouvoir travailler avec Fadjet, qui nous prête ses locaux. Mm-hmm. Encore merci, Fadjet. Avec grand plaisir. Et son matériel, surtout. Parce que des locaux en soi, on a tous des maisons, juste pour l'instant. Mais le matériel est... Enfin, c'est ouf. Merci beaucoup. Et donc on a des podcasts, et on en a déjà trois qu'on a définis. Je peux commencer par... Qu'on a même enregistré, qui vont pas tarder à sortir. Tout à fait, la diffusion, et pour très bientôt, dès qu'on aura fini de configurer tous les réseaux sociaux, et qu'on sort et tout ça, enfin... Oui, en parlant de réseaux sociaux, j'ai déjà vu qu'il y avait quelques pages qui étaient sorties, donc Apex, on est sur Facebook, LinkedIn... Facebook, LinkedIn, Instagram, on a fait une petite page sur X, mais on va pas beaucoup poster, donc non, ouais. Ne nous suivez pas là-dessus, c'est pas utile. J'ai mis Thread aussi. Ok. Et donc les émissions, qu'est-ce qu'il y a de prévu comme émissions qui seront diffusées sur Fadjet? Bah alors moi je suis référente d'un des projets, donc je vais parler du mien, et ouais. Puis après je vous laisserai continuer. On fait une émission, notamment avec mon compère Damien, qui est à côté de moi. Bonjour Damien. Bonjour, je suis là depuis 40 minutes. Il n'est pas apparu comme par magie. Hein. Je ne peux pas faire apparaître les gens par magie, c'est dommage. Mais ça fait un moment, maintenant qu'on a commencé à enregistrer des émissions avec Damien. Donc c'est des émissions qui durent 30 minutes, où on va interroger des personnes influentes, des personnes qui sont actrices de... Du monde scientifique. Oui, voilà. Quels sont leurs engagements en termes de transmission de la culture scientifique, de l'esprit critique. On a pu déjà interroger, enfin interroger, c'est bizarre dit comme ça, mais on a déjà pu interviewer Lucille Guitienne, par exemple, la directrice du Muséum Aquarium de Nancy. On a interrogé, toujours pourquoi ce mot interroger ? Il est 5h38. C'est un interrogatoire. Ouais, ça fait très interrogatoire, c'est pas ouf. Non, on a pu interviewer également Laure Digonnet, qui est responsable chez Les Petits Débrouillards, une association, je vous conseille d'aller voir, et puis d'écouter notre podcast quand il sortira. Et pour donner un petit nom encore, Rémi Sachs, le responsable des publics au jardin des Jardins botaniques de Nancy. J'ai fait un mini AVC, je suis désolé. Je pense que c'est clair. Si quelqu'un a des questions... Bah, peut-être le nom de l'émission. Si, je l'ai dit, l'émission, non ? Je ne l'ai pas dit ? Je ne crois pas. Non, je ne suis pas sûr non plus. Je demande la VAR et je crois que le nom n'avait pas été donné. Vous avez bien raison. Donc voilà, ça sera c'est l'émission. Je pourrais passer 3 heures à vous expliquer pourquoi, mais on n'a pas le temps. Et Damien, c'était sur quelle émission, toi ? Moi, effectivement, je suis sur l'émission avec Lise et je suis responsable d'un projet qui s'appelle Destinée scientifique, qui est un podcast narratif qui va raconter la vie de personnes qui ont contribué à l'histoire des sciences en faisant des grandes découvertes ou en se ratant lamentablement ou en faisant des trucs qui sont un peu en parallèle des sciences. J'ai quelques noms en tête si vous voulez. On va faire une émission sur Hedy Lamarr, qui est une actrice scientifique qui a contribué pendant la Deuxième Guerre mondiale à faire un système de guidage de torpilles. Je résume en gros, c'est pas exactement ça, mais vous aurez les détails en écoutant le podcast. On a également la co-découvreuse du VIH, Françoise Barré-Sinoussi, dont on racontera la vie parce que être co-découvreuse du VIH en pleine épidémie, c'est pas n'importe quoi et ça impacte une vie. Et puis on va aussi voyager un peu, on va pas se contenter de rester en France ou dans l'Occident, on va partir par exemple dans les années 800-900 à Bagdad pour découvrir qu'un calife a décidé de réunir tous les savoirs du monde connu dans la bibliothèque de Bagdad. Donc, a sauvé notamment, comme ça, il a réussi à sauver tous les savoirs grecs qui étaient en train d'être éparpillés un peu partout. Il a réussi à tous les réunir et à les faire traduire aussi. Et c'est pour ça qu'on a parlé notamment d'âge d'or de l'islam. C'est parce que ils avaient une médecine qui était relativement efficace pour l'époque grâce à ces savoirs grecs qu'ils avaient sauvegardés. Et un gros bisou et un gros big up à Luca. À Luca qui est le narrateur et qui a une voix d'or. Oui, un peu à celui qui double Morgan Freeman et qui est décédé il y a pas longtemps. Benoît Hallman, oui. Et puis la dernière émission, donc Curiosity, dont tu es le responsable. Exactement. Et du coup, parle-nous-en. Mais qu'est-ce que donc que Curiosity ? C'est quoi Curiosity, Corentin ? Alors, c'est une émission d'interview de chercheurs. Et donc là, on prend le temps. Alors, sur Fadjet, ce seront des petites chroniques de un quart d'heure qui seront diffusées, on espère, toutes les semaines. Et il y aura une version longue du podcast qui va durer une heure et demie, qui sera disponible sur nos plateformes. Et pour vous donner des idées de sujets, on a essayé d'aller dans les sujets un peu méconnus. Et la première personne qu'on a interviewée, c'est Renaud Évrard, un psychologue qui travaille sur la parapsychologie. Donc c'est l'étude de tout ce qui est un peu paranormal, mais sous le point de vue scientifique. Très bien. Et on va vous embêter avec plein de sujets comme ça. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, ce sera diffusé. Vous n'aurez même pas le choix de l'écouter ou pas, ce sera diffusé dans vos maisons directement. Avec le système inventé par... Et hop, on rebondit tout de suite, oui. Et hop. Alors, avant de parler de l'Apex, etc., on était sur les inventions de la radio et l'histoire de la radio en général. Tout à fait. Là, on s'est arrêté fin 20e, et là, on va tout de suite passer... On passe directement en 1980, parce que la période avant, c'est plus du côté des dates importantes sur les émissions, les premières diffusions, on n'est plus vraiment dans les inventions. Donc, en 1980, qu'est-ce qui se passe ? C'est la libéralisation des ondes par Mitterrand. Et waouh ! Waouh ! Exactement, donc on commence aussi... Qu'est-ce qui se passe, du coup, justement, après ça ? Au hasard, il y a plein de radios associatives qui émergent. Mais il se passe un truc avant. Les radios pirates ? Entre. Ouais. L'explosion de la bande FM. Oui, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il commence à y avoir trop de stations de radio et les fréquences, en fait, elles sont surchargées. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Est-ce que vous avez des idées ? de ce qui a pu être fait à partir des années 80 dans le milieu de la radio, sachant que Fat Jet est passé sous ce format il n'y a pas longtemps, je crois. Je sais pas. Attends, parce que je sais qu'il y a des types de radios différentes. Il y a les radios musicales et compagnie, mais je pense pas que ce soit non, ça. Non, c'est pas ça. Il y a quoi d'autre? On fait la FM et la M. Ouais, Non, mais on est... Ça, c'est onde courte et onde longue, donc je vois pas trop le rapport. Alors, bon... On régularise les plans, les plages où on peut émettre. On donne des autorisations. On reste. N'oublions pas que le thème de l'émission, c'est les technologies. Alors, donc, qu'est-ce qui aurait pu se passer? En plus, c'est l'essor aussi de qu'est-ce qui se passe dans les années 80 du point de vue technologique qui a changé nos vies aujourd'hui. Internet. Ouais, mais avant Internet. Des satellites. Non, vraiment. Le téléphone. Téléphone. On va le dire. Minitel. On va dire 3615 science. Oui, bah le Minitel ça passe aussi, mais on va dire ordinateur en général. Et c'est le moment où en fait on en arrive à la numérisation. Ah. Mais qu'est-ce que donc que la radio numérique terrestre. Qu'est-ce que donc la numérisation? Transformer un signal analogique en numérique. Exactement, ça veut dire quoi avec des mots français? Je sais pas. Alors, tout était français dans sa phrase. C'était incompréhensible pour des gens qui s'y connaissent. Bah, au lieu que ça soit des ondes, c'est des bits. En toute amitié. Ouais, voilà. Et du coup, un bit, c'est quoi? Comment tu l'expliques? C'est des data. C'est soit un 1, soit un 0. Exactement, c'est ça. Je vais simplifier. Non, mais c'est exactement la réponse que je voulais en plus. On passe de plein de chiffres complexes à soit 0, soit 1. Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que avec la numérisation, avant, vous allez envoyer un signal assez brut. Là, par exemple, la voix que vous entendez, les voix que vous entendez, donc il y a ma voix qui parle de ma bouche, le son part dans le micro, et en fait, là, au moment où il arrive dans le micro, il se transforme en 0 et 1, en plein de petites informations. Tous ces petits 0 et 1 vont aller sur votre station de radio, et après, ça va être traduit en gros, et vous allez entendre ma voix, ça se trouve, d'une meilleure qualité que je l'entends moi-même actuellement. C'est pas impossible parce qu'on a plein de traitements. Ouais. Et bah voilà. Et alors qu'avant il y avait pas ça, c'est pour ça qu'on a le côté un peu bonjour, vous entendez la radio? Voilà. Très belle imitation. Ah, il s'est bouché le nez pour l'info. Oui, mais voici le général de Gaulle qui s'avance dans l'allée des Champs-Élysées. Bon, après, il faisait exprès aussi de parler comme ça. Oui, il faisait exprès, mais il y avait quand même une sorte de filtre, un grain. Oui. C'est un peu l'accent des années 60. Mais il y a donc après pourquoi passer à la numérisation? À quoi ça sert? Bon, déjà on l'a dit, il y a une augmentation de la qualité. Ouais. Mais c'est plus simple d'envoyer soit des 0 soit des 1, ça prend moins de place et du coup on peut envoyer plus d'infos. C'est exactement ça. C'est le gros cerveau, hein. Écoutez, énorme cerveau. Je le vois grossir en direct. Donc ça prend extrêmement moins de place et ça donc en fait c'est là que ça permet à plein de nouvelles radios d'émerger et je vais un peu trop vite. Donc oui, c'est ce qui permet à plein de radios d'émerger. Et ce qui se passe, ouais, c'est qu'il y a tellement de place maintenant sur les ondes, qu'on peut maintenant créer des chaînes de radio de façon occasionnelle pour des entreprises par exemple ou des événements bien précis. Je pense à des assos, d'autres assos qui des fois font des événements vraiment occasionnels et ils choisissent des ondes qui sont pas utilisées et puis sont diffusées par exemple pendant 2 jours. On peut citer le Jardin du Michel, qui fait la radio du Michel à laquelle Fadjet participe et qui a une fréquence temporaire pour les 3 jours de festival. Là, voilà. Et j'ai une anecdote. Nous sommes toutes oui. Ouais, je sais. Dans les voitures, avant qu'il y ait potentiellement un port auxiliaire pour brancher directement un jack, et ben en fait, on peut avoir des petits bitonios qui se branchent sur la prise allume-cigare et qui émettent un signal. Et après, t'as juste allumé ta radio, mettre le même signal que sur ton bitonio, sur ta voiture, et donc t'as ta radio. Enfin, faut brancher, bien sûr, une carte mémoire sur le bitonio pour mettre de la musique dedans. Mais du coup, tu te fais ta propre radio. Et ça coûte une quinzaine d'euros sur Amazon. Ouais, c'est ça. Je faisais ça à l'époque. Moment promo. Bon, maintenant, les voitures, elles ont Bluetooth, mais... Je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est... Non, pour les voitures, c'est très fonctionnel, ça fonctionne bien, ouais. Et comment ça s'appelle, ça, tout ce que je viens d'expliquer? Sachant que c'est écrit sur l'affiche de Fadjet juste en face de moi. Attends, je regarde. Ça va donc 40 ? 40 ans, Fadjet en direct ? Non, c'est pas ça, en bas à gauche. Porte ouverte. Non, ça c'est en bas à droite. 10h, 20h. Non, c'est le DAB. DAB. DAB. Le fameux DAB. Et oui. Non, pas ce DAB-là, ouais. Avec les footballeurs. Et en plus, c'est filmé, donc on va pouvoir récupérer ton DAB. D'ailleurs, j'ai une vraie question. Enregistré. D'ailleurs, j'ai une vraie question. Est-ce que le DAB, on n'a pas oublié ce que c'était c'est une mode qui est très passée quand même. Oui, c'est peut-être vrai. Pas plus mal. Oui, alors, je ne disais pas le contraire. Alors, est-ce que déjà vous avez. Bon, je reviens sur le DAB radio. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? Genre, vous. Franchement, défibrillateur autonome. Non, il m'a posé la question tout à l'heure, c'est un truc en anglais. Digital quelque chose. Ouais, bah alors, D pour digital, un A, un mot qui commence par un A dans la radio. Analogique du coup, non? Non, quand non. Tu écoutes, c'est de l'audio. Et l'audio. Et après, c'est broadcasting. Ah. Oh. Et puis plus tard, on a eu le DAB+, mais en gros, c'est ce qui est arrivé très récemment et ça permet d'avoir une qualité CD, en fait. C'est la radio... V2 ouais, la radio numérique terrestre. Voilà. Et oui, et c'est d'ailleurs grâce à ça, parce que comme on peut envoyer énormément plus d'informations, c'est grâce à ça, si par exemple, vous avez une station de radio qui est récente, quand vous recevez le signal, en fait, bah, vous pouvez même avoir le logo de Fadjet, là en ce moment, qui s'affiche sur votre petit écran, et vous pouvez aussi voir des titres qui peuvent apparaître. Des fois, ça peut être écrit juste Fadjet ou plein de petits titres. Et c'est grâce à ça, et même maintenant, sur les derniers, sur les dernières stations, je suis en train de manger ma phrase, il est 5h50, je commence à... Tout va bien. Encore 10 minutes, tiens, dis-les 10 minutes, encore 10 tu minutes. Peux le faire Mince. Après, on l'assomme avec oui, un coup de pelle à la c'est fin. Bon, je l'ai. C'est que maintenant, on a même tendance à ne plus rechercher une radio par sa fréquence, mais par son nom. Okay. C'est vrai. Oui. Et c'est grâce à ça. C'est beau, c'est vrai. Et bon, ensuite, on a eu quoi dans le milieu de la radio qui a été ultra important? Enfin, qui est plus vraiment dans le milieu de la radio, mais qui se dirige vers Internet. Les podcasts. Exactement, on commence à avoir les podcasts en... Alors... 2900, oui, j'écoute. Non, je sais pas. 1999, dans ces eaux-là, non? Exactement, c'est le premier moment où on commence à avoir... Des gens qui testent un petit peu des émissions un peu indépendantes et qui se à diffuser, à télécharger. Alors, je suis d'un point de vue culturel, je dirais que l'ancêtre de ça, c'est quand même les radios pirates où les gens faisaient n'importe quoi à la radio pour tester. Ah, c'est possible, oui. Parce que je pourrais t'en raconter des histoires sur les radios pirates dans les années 80. Eh ben, nous sommes tout tués, écoute. Non, mais, tu as 10 minutes. Bon, les enfants sont couchés parce que apparemment il se passait des trucs dans les radios pendant les émissions. Il se passait des trucs un peu chauds pendant les émissions dans les radios pirates. Enfin bon, okay. C'était vraiment la radio schlag de l'époque avec des punks et des... Ouais, on rassure nos auditeurs, je n'ai pas arrivé à l'antenne de Fadjet en 40 ans. Jamais, bien sûr. Mais j'y mettrai pas ma main à couper. Écoute, mon job est en jeu. Ça n'est jamais arrivé, bien sûr. Et ensuite, pour les podcasts, il y a une marque. Qui a créé le nom du mot podcast. Est-ce que vous voyez laquelle c'est? Pas du tout. Marque. Apple. Oui, c'est Apple. Je sais même pas pourquoi j'ai pensé à Apple en plus. C'est vraiment c'est parti comme une tarte aux pommes. Bah après, quand tu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est eux qui ont créé tout ce qui était les. Les baladeurs. Les baladeurs, les voilà. iPods, exactement, et merci. Voilà, c'est pour ça. Les oui, iPods. Bah, c'est pour ça. Ouais. Et ça venait de là, et c'est eux qui ont vraiment fait exploser la chose. La mode MP3. Et voilà. Et après, donc, comment on a besoin de quoi pour avoir un podcast? Il y a un truc qui est ultra important. D'un serveur. Alors, on se rapproche du serveur. Moi, je vois ce qui est écrit sur l'écran, donc je ne vais pas répondre. On se rapproche aussi. Il y a, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà posté des podcasts sur Internet? Oui. Alors, oui. Je crois avoir un logo qui me donne la réponse. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Donc. Bon, bah, Lise, je pense que tu connais. Bah, il faut un hébergeur, un serveur. Il faut mettre le fichier audio quelque part et ensuite... Et comment tu fais après pour partager et être sûr que... RSS. Le flux RSS. Mais qu'est-ce que donc le flux RSS? Ça n'a aucun rapport avec l'URSS, je vous rassure. Oh, on est tous très déçus. J'ai un flux, mais j'ai pas assez étudié le sujet. C'est un fichier XML. Genre tout bête. J'adore donc, l'XML. Eh ben, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, du coup, s'il te plaît? Le fichier XML? Ouais. juste une façon d'écrire des fichiers avec des balises. Il y a des trucs dedans. Par exemple, tu veux mettre une balise nom et dedans, tu mets ton nom dans, entre les deux balises. Et qu'est-ce que t'appelles une balise, du coup? On est d'accord que c'est du codage, au final. Oui, c'est ça. Donc, le XML, c'est un langage de programmation, mais plus de formatage que tu programmes rien en XML. Bon, c'est un peu technique. Mais... qu'est-ce que t'entends par formatage, justement? Et... genre le, enfin je, vous me perturbez. C'est quelque chose qui transmet surtout des informations peut-être. Oui, c'est un peu la c'est un peu comme l'IP, on va dire. Là, je vulgarise énormément, mais c'est vraiment, c'est l'adresse au final de la du podcast et qui te permet de le partager à droite et à gauche. D'accord. Bah du coup, il y a juste l'adresse et en fait le flux RSS, ça transmet que l'adresse. Non, ça transmet le podcast. Plus. D'accord, ok. C'est un peu le code barre, on va dire. D'accord, de ton podcast. Mais okay. Je pense pas que le son soit en XML. Non. Ça me paraît très très bizarre. Après. Le son sera moins beau. J'ai bien envie d'essayer en fait, juste transférer des fichiers audio ça en peut XML, faire ça peut être très marrant. Non, en soi non, parce que l'information, tant que tu la conserves, elle est bonne. Hein. C'est juste que tu te fais chier. Tu t'embêtes Pardon. Non, il est 5h53 à cette heure-là. C'est juste que c'est pas adapté du tout pour transférer du son. Mais après, tu fais de l'émetteur et l'accepteur, encore une fois, et tu peux tout faire. L'informatique, c'est magique. Eh bien, en tout cas, merci pour tes réponses. J'arrive sur la fin de mon côté. Est-ce que vous avez des questions sur le milieu de la radio, des trucs que vous auriez pas trop compris? Non, globalement, ça va. Il faudra qu'on revienne sur analogique et compagnie, parce que ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Après, je reconnais que j'en ai pas parlé. Non, bah en fait, comme on est passé au numérique, oui. C'est peut-être pas la peine de rester sur l'analogique. Hein, bah oui. Et du coup, non, à part ça, donc, vas-y. Mais c'est encore assez diffusé. Il y a encore des stations qui diffusent en analogique, mais c'est plus rare. Ok. Mais d'ailleurs, le DAB+, si je dis pas de bêtises, Fadjet, c'était il y a quelques années qu'ils y sont passés. Enfin, Fadjet, nous sommes en DAB+, depuis 2024. 2024, effectivement. Donc ça fait pas quelques années, ça fait un an. Ouais, ça fait un an, ouais. Parce que oui, je sais plus si j'étais clair, mais oui, il y a eu le DAB+, le DAB+, et le DAB+, c'est vraiment arrivé... non, il y a eu le DAB et le DAB+, et le DAB+, ça a été beaucoup plus récent. Tout à fait. Et ben moi, donc du coup, j'ai tout fini. Incroyable, on a tout compris. Oh, parfait. Vous me promettez que vous avez tout compris, c'est clair. Oui, tout compris. On peut faire une évaluation maintenant qui sera notée sur 20. Exactement. On verra qui a les meilleures notes. Enfin, la calculatrice. Je suis pas sûr que ça te serve. À moins que t'aies les récentes où tu peux mettre tout le texte oui, dedans. Ça, après, alors les récentes, elles pas les datent. Elles datent les récentes, elles ont 30 ans. Donc, ouais. Ouais. Petit coup de vieux, 40 ans. Ouais. J'utiliserai une radio pirate avec une oreillette dans mon oreille pour que l'on me communique les résultats à distance. Bien sûr. Je profite tout de suite là pour remercier tout Fadjet, autant les bénévoles que les salariés, puisque là vous faites un travail de dingue là pendant les 40 ans. Et le reste du temps aussi. Oui, et justement, non, juste que pendant les 40 ans. Juste pendant les 40 ans. Et non, et j'en profite vraiment pour remercier tout le monde, parce que je pense que vous en rendez compte un petit peu, mais moi c'était il y a 10 ans que je suis rentré dans Fadjet, et ça m'a ouvert plein de portes qui m'ont donné vraiment beaucoup d'avantages au niveau pro. Donc c'est pour ça que je remercie absolument cette action qu'est Fadjet. Et je vous dis bonne journée ou bonne nuit. Et puis, joyeux anniversaire Fadjet. Ça me paraît pas mal. Joyeux anniversaire. Et on va faire dodo. Comme il nous reste une minute tout pile, pour conclure, redonner où est-ce qu'on retrouve tous les réseaux de l'Apex. Lise, on a... Généralement, c'est Apex_science. Sans voilà. S. Et on est sur Facebook. On est sur Facebook, Instagram, Thread, LinkedIn, tout à fait. Et là, on va commencer à poster pas mal de trucs, donc YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Un jour, et quand on en filmera. Trois émissions qui arrivent sur les ondes de Fadjet prochainement. Très bien. Eh bien, merci pour cette heure. J'allais dire, on a appris des choses. Oui, est-ce que je vais tout retenir? C'est normal. Je te garantis pas que sur le créneau 5h-6h, ça a été le plus pertinent pour que je retienne des choses. Mais merci d'avoir essayé. Ben, merci à tout toi. De même, je vous emmène une dernière fois dans les années 90. Et ensuite, parce que c'était très simple, on écoutera Aurel San avec Basic, évidemment. Fadjet, la musique des instants présents. Ok, j'ai demandé à Scred de faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Ok, simple, basique, basique,